Fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Justine Renaud nous fera tourner un album de sa jeunesse dans Justine aux platines. On achètera quelques gadgets qui veulent plus ou moins, qui valent plus ou moins la peine dans sa expression de répondre là et on listera des choses bien pertinentes dans son foutu palmarès. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 22 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut Steph, ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, ta semaine commence le mercredi, toi, maintenant, donc... Moi, ça fait une couple de jours que je dors, là, puis... Je comprends si je pouvais, mais non, je suis le seul lien commun entre la version lundi-mardi et la version mercredi-jeudi d'Assemblage requis. Parce qu'on se voit jamais, là, Jean-Philippe et moi. Non, c'est ça, il y a un mur entre les deux, un parallèle. Sauf que présentement, Jean-Philippe, j'ai ton Facebook en otage... Mais là, qu'est-ce que tu vas faire cette fois-ci? Parce qu'on sait que tu as déjà fait quelque chose. C'est pas nouveau pour toi. Ben, c'est arrivé une fois. C'était tellement tentant. T'sais. Il a son Facebook ouvert partout, Jean-Philippe. Là. Il est tout à ce Facebook. Donc, moi, je lui avais fait dire hier, dernière journée de travail avant les vacances. Aujourd'hui, je travaille tout nu. Ce qui était quand même proche de la réalité, quand même. Quand même, parce qu'il travaille en chess. Tout le monde le sait. Bien sûr. Ouais. Ben, j'y pense, là, mais tu sais... Je me demande si je pourrais pas faire du chantage, obtenir une rançon à la place, vu que j'ai un otage comme ça. T'es son employé, lui c'est ton supérieur. Je sais que t'es supposé avoir un respect complet envers lui, mais est-ce que tu préfères ça ou encore plus? Respect complet. Bon, t'sais. Ça marche dans les deux sens! Donc, bienvenue à l'Assemblage requis. Aujourd'hui à l'émission, on a une seule chroniqueuse, c'est Justine Renaud, qui devrait s'en venir d'une minute à l'autre pour sa chronique Justine aux platines, où elle nous fait revenir dans sa jeunesse musicale. Autour de ça, des chroniques maison, il va s'en ajouter au courant de l'émission. On est bien des grands improvisateurs, toi et moi. Mais on va faire entre autres « Ça existe, mais ça ne devrait pas » notre classique du mercredi. Ah ben oui. Sachez des choses, les dépenses se font le jour juste avant la paye. Hein? Ça n'a pas rapport, ça. C'est du crédit, hein? On va le rembourser avec la paye de demain. Entre autres. C'est ça. Ouais, mais faut rembourser aussi tout ce qu'on a acheté les autres journées avant la paye. C'est faudrait ça. Faire l'inverse, acheter après la paye. Ouais, ou faire la chronique aux deux semaines. C'est juste une fois par paye, c'est assez. En tout cas. Donc, on va faire ça tout à l'heure. Mais avant ça, on va débuter avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Vous savez, à chaque semaine, on a des nouvelles entrées dans les palmarès qu'on présente les jeudis après-midi à 15h. Uh-huh. Toi et moi. Uh-huh. Uh-huh. Mais on a quelques nouvelles entrées. Drella, en ce milieu de semaine. Et je pense que ta préférée sera celle qui débuterait le mieux, Blanc. Ben, je pense que ça va être notre préférée. D'après moi, je pense que ça va être un coup de cœur pour nous. Ben là, il faudrait dire 1983 en anglais. OK. Parce 1983. C'est en anglais. Et c'est de l'artiste de Statue Park. On écoute ça. Et ceux qui connaissent le Mathieu Plante Show, là, ben... vous allez aimer ça. Sinon, ben désolé. To make 1983 de Statue Park, oui, sur l'album The Cities We Planned, The Cities We Made. Statue Park, chiptune, vous aimez le chiptune, écoutez le Mathieu Plante Show, si vous n'avez pas ça, écoutez-le quand même, vous allez peut-être découvrir quelque chose. C'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Surprenant du chiptune dans le palmarès anglophone. Ouais, mais c'est quand même léger, là. On s'entend, parce que moi, ton émission, je suis pas capable. Ah, merci. C'est la musique qui sonne jeu vidéo, chiptune, pour ceux qui ne suivent pas. Là. Ouais, ça dépend lequel. Ouais, j'aime tellement ça. Mais en conduisant, je trouve ça agressant. Je veux dire, c'est plate à écouter c'est quand ça. Tu joues pas à un jeu. Mais tu sais, au moins, les gens d'habitude sont quand même encore au travail à 4h et à 3h pour la reprise. Fait qu'ils n'ont aucune chance d'être sur la route. T'sais. Au moins. Fait qu'il n'y aura pas trop d'accidents. Ben, moi, je suis sur la route parce que quand tu t'en vas, je suis comme... Ben, travaille 6 heures de bureau normal. Call. Tu peux pas parler, toi. Non, c'est ça. Aucun rapport. Maintenant, hey, Stéphanie. Oui, Mathieu. Justine Renaud. Au loin. Je la vois de très, très loin. Elle me fait... C'est juste une platine. J'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. I think about it every day. Let's see what they gon' talk about when I let it all out. Je voulais faire la finale avant. Je voulais vraiment faire la finale. Me semblait, parce que en fait, je m'en allais vous dire que je sonnais comme un vautour dans Donkey Kong. Non, tu sais, oui, les vautours, oui, quand tu sortes dessus. Oui. Les... Oui. C'est vrai. C'est pareil. Je suis bonne, hein? Oui. Je devrais faire les sons de Donkey Kong plus souvent. C'est tout à fait dans le thème du carnaval étudiant qui se produit en ce moment. Mais je sais, y a un assaut qui je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je l'ai pas reconnu alors que j'ai joué tout le temps des fêtes à Donkey Kong. Ah, wow. À toutes les fêtes. Ben, c'était parce que c'est un bruit aussi qui pourrait sortir de la bouche d'un certain, d'une certaine grande gueule à une certaine radio. Ça sonne comme... C'est une blague, hein, c'est ça? Exactement. Je sais pas, j'écoute pas ça. Moi non plus. Ça tombe mal. Bref, Justine, il y avait de la circulation, un bouchon de circulation sur Saint-Maurice. Hein, oui, ça, donc attention. Oui, bon, donc, tout bon, oui, bonjour, ici Pierre Bruno. Alors, il y a un bouchon de circulation sur la rue Saint-Maurice. Dans son nez. Dans son nez. Il y a un bouchon dans mon nez. Ouais, non, c'est ça. C'est pour ça que je suis arrivé, disons, 2 minutes en retard. C'est parfait. Que... Mais moi, ça m'a amené à l'idée que ce serait fun, c'est un jeu de société basé sur Trois-Rivières. Oh! On pourrait appeler ça Saint-Maurisque. Saint-Maurisque? Wow! Là, faut que tu essayes d'obtenir tous les quartiers. De passer ton opinion à je m'en appelle ça à la Chambre des communes, mais c'est pas ça, pas tout. La Chambre des communistes. Passer ton opinion auprès de la mairie. Exact. Essayer. Qu'on salue. Oui, allô, Mary. Salut! Merry Christmas, moi! Mary. Merry Christmas! Elle est vraiment trop bonne! Merci. Elle est vraiment trop en retard! C'est ça, elle est pas à jour dans les références. Ouais, c'est pas grave, elle est écœurante. Merci, Saint-Maurice, à date. Et puis. Merry Christmas. Donc, Justine Renaud, on t'accueille pour Justine aux platines, qui est la chronique où on revient dans ta jeunesse, vraiment à tes débuts. Oui, mais je commence à vieillir, là. Si ouais, vous m'avez suivi depuis le début, là, depuis le début septembre, là, j'en ai passé une couple de groupes, là, je suis rendue à mon adolescence. Là. C'est en couleur. Full pin. C'est en couleur. Teen angst. C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais, là, les L'anxiété ados fâchés. Non, angst. C'est pas ça, angst? C'est le fâché. Non, angst, fâché. Ça veut dire anger, ça veut dire être fâché. OK. Et j'étais dans ma phase fâchée adolescente la dernière fois que je vous l'ai laissé avec, en fait, plusieurs groupes, dont Tori Amos. J'ai parlé aussi de Jean Leloup quand j'étais un peu plus jeune, Jean-Pierre Ferland, The Cranberries. Et mon tout premier album, pas mon trou album, mon tout... Ouais, Il y avait un trou dedans, c'est ça. C'est No Doubt avec Gwen Stefani, sur lequel j'avais probablement un gros kick, mais que je m'en rendais même pas compte. Mais cette semaine, c'est pas deux autres que je veux vous parler. Je veux vous parler de Radiohead, et un groupe que vous avez probablement déjà entendu parler. Sinon, s'il vous plaît, si vous étiez sur une autre planète, revenez-nous. Hein, la télésérie sur Mars, là, c'est pour dans le futur, c'est pas dans le passé. Donc, Radiohead. Un des bands qui m'a le plus marqué dans mon enfance. Je vais vous parler d'un seul album. Par exemple, j'aurais pu vous en parler de genre 10 000 albums, même s'ils en ont juste fait quoi, 7, 8, 9. Ils n'en ont pas fait 10 000. Bref, je ne sais pas comment compter. Je ne suis pas en association Matinfo. Ah, l'imitation de non, geek, là, c'est pas fin, ça. Je ne suis pas en Matinfo. T'es pas drôle. Je les aime beaucoup. Je fais des maths à tous les jours. Bon. Surtout quand je sais combien de lait je vais mettre dans mes céréales. Bref. Radiohead, hein, c'est qui? C'est un band rock de l'Angleterre, parce que l'Angleterre fait de la maudite bonne musique en passant, et qui roule depuis un bon bout. Donc, c'est pas l'Angleterre qui roule, mais bien Radiohead, puisque l'année de leur formation était 1985. J'étais même pas née. Toi, Mathieu... Là, les insultes. Oui, j'étais née 2 ans, j'avais 2 ans. T'avais 2 ans, ouais. C'est bon ça. En tout cas, t'es née dans les bonnes années. Moi, je suis née. Mais t'es vieux, 2 ans! Je suis née dans les vieilles années de passe-partout, là, quand ça commençait à être un peu psychédélique. Nouvelle génération, hein? Avec un tinnabule. Mais je m'en rappelle même plus pas en tout. Hein? Les membres originaux de Radiohead, pour revenir à nos moutons, sont encore tous au bord de Radiohead, ce qui est assez rare de nos jours dans l'industrie de la musique où les gens changent de guitariste aussi souvent que de bobette. Aussi souvent que changent de guitare. Exactement. Oui. Ça dépend quel groupe. Il y en a des groupes là, qui arrivent avec leur espèce de... leur cube de guitare. Cube étant une affaire sur roue qui promène en tournée. Là. Oui, avec plusieurs côtés. Et des guitares. Je sais pas pourquoi je vous décris un cube. Veux-tu s'en dessiner un cube non. à la radio? Okay. S'il y a un mouton dedans, peut-être, par exemple. Donc, je parlais des membres de Radiohead. Les 5 garçons qui constituent, en fait, le groupe se sont rencontrés à l'école. Donc, l'école étant la place parfaite où se faire des amis puis jouer de la musique. Tant mieux qu'a rapidement pris le leadership du groupe comme chanteur, guitariste et pianiste, tandis que Phil Selway a été désigné le percussionniste. Toi, tu vas t'approcher sur des affaires. Ed O'Brien, un guitariste et back vocaliste. Colin Greenwood à la basse et finalement, son petit frère, Johnny Greenwood, qui était initialement à l'harmonica, est vite devenu le lead guitar. L'harmonica heavy metal. Hey! L'harmonica électrique, là. Ah oui, hein? Non, je sais pas. Okay. Mais c'est quand même fou pour lui parce qu'aujourd'hui, Johnny Greenwood ainsi que son collègue Ed O'Brien sont tous deux dans la liste des meilleurs guitaristes de tout l'État selon le magazine Rolling Stone. Donc, c'est quand même pas rien. Une maudite chance qu'ils n'ont pas gardé son harmonica. L'harmonica. Hey! Excusez-moi. C'est trop fait de lettres. J'aime ça. Il manquait dehors. Et pour ceux qui se plaignent qu'ils ne connaissent pas Radiohead, puis que ça fait à peu près genre 10 minutes que j'ai commencé ma chronique, puis ils sont comme, voyons, Radiohead, c'est qui ça? Ben, je pense que je vais devoir officiellement vous annoncer que vous viviez dans un trou dans la terre tout ce temps-là, parce que Radiohead s'est classé dans la liste des plus grands artistes et bandes de tous les temps du magazine Rolling Stone, encore une fois. Donc, croyez-moi, là, n'entre pas qui veut sur la liste du magazine Rolling Stone. Là. Ils font plusieurs listes à chaque année. Puis si t'es parmi cette liste-là, c'est que t'es hot en tabarnouche. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le magazine Rolling Stone. Non? Ben oui, oui. Oui, oui. Justin Bieber, il est pas rentré là encore. Fait que j'ai encore espoir. Comment ça fait? Justin Bieber, il... Ah, excuse. Ah, Steph, t'as fait Steph? What? Hey! Leader je de l'émission. Je vous ai dit que j'ai pas dormi cette nuit. Donc, Steph, qu'est-ce que c'est? Non, aïe! Hey, ma tête, pourquoi tu me frappes avec ton micro? Justine s'est frappée le front avec son micro en désespoir, en angst, je pense. Ouais, appelle. Laissez tomber. J'étais un full fruit ado. Continue. Oh. Ça a l'air de te perturber. Oui. Non, mais sérieux, qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, mais c'est que. Revenez-en, là, je veux dire, c'était pas pertinent à ce point-là. Fait que dans le fond, tu voulais me couper pour dire quelque chose de pas pertinent. Mathieu voulait aussi te faire répéter, puis en bout de ligne... Moi, je fais juste être fin avec les gens qui veulent parler. T'sais. Non, je m'excuse. Vous écouterez... J'ai un problème de coordination. Vous écouterez la balado, vous allez peut-être entendre en fond ce que j'ai dit. Vous allez être déçus. Je vais revenir. Oh. On va sortir la version sous-titrée pour mieux comprendre. Fait que là, en fait, bref, dans l'évolution de Radiohead, ils viennent juste... On parlait-tu de Radiohead? On parlait de Radiohead, ils viennent juste de se former, là, en 1985. C'est en 1986 qu'ils font leur premier spectacle. Spectacle? Non, pas dans un bar, mais dans une taverne. OK. Taverne. Parce que c'est pire, parce que les gens se cachent pas pour aller boire dès leur réveil à 11h du matin dans une taverne. C'est pas un carnaval. C'est ça. Dans un bar, tu pognes des seins. Dans une taverne, t'es un ivrogne. Mais ça a quand même pris du temps avant qu'ils lancent leur premier album qui a dû se faire attendre jusqu'en 1992. Pas moins de 6 ans après, là, j'ai eu le temps d'être né, d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler. Et Pablo Honey, tel était le nom de l'album, n'a pas créé la vague d'enthousiasme escomptée par le band. C'est pas un mauvais album, mais c'est pas leur meilleur. Après le lancement de l'album, ils se sont souvent fait comparer à du Nirvana Light, du baby grunge. Bref, c'est pas la meilleure des comparaisons. On aime Nirvana, mais tu veux pas te faire appeler du Nirvana Light. 3 ans plus tard, sans l'album. C'était les Nirwanabi. Oh, Nirwanabi. Nirwanabi. Ah, ben, crème est quand bonne. Quand même bonne, merci. Est bonne. 3 ans plus tard, sort l'album de Benz, qui est une amélioration, à mon avis, de leur première tentative d'album. On parle ici d'une plus grande maturité, d'une plus grande profondeur, et on est initié à leur côté plus déprimant, une espèce d'extension de leur single Creep qui paraît sur Pablo Honey. Vous avez peut-être entendu la chanson où le gars dit « I'm a creep, I'm a weirdo », puis qui se plaint qu'il est tout bizarre. Je pense que c'est la seule que je connais. Oups. Mais c'est bon, au moins tu connais celle-là. The Benz a rapidement eu plus de succès que l'album précédent avec des singles tels que My Iron Lung, Fake Plastic Trees, High and Dry, etc. Toutes d'excellentes chansons à mon avis. D'ailleurs, saviez-vous ce que veut dire l'expression The Benz? Vite demain. Est-ce que vous savez ce que Benz, ça veut dire? B-N-D-S? The Benz, comme genre plié. OK, OK. Non, je sais pas. C'est un terme utilisé en plongeant en eau profonde. C'est en fait une affection des plongeurs qui se produit suite à une remontée trop rapide à la surface. Ils se forment des bulles d'azote dans le sang et dans le tissu dû à la baisse de pression de l'environnement du plongeur qui va causer des douleurs dans les articulations au niveau du thorax et des irritations de la peau, des crampes et même la paralysie lorsqu'ils remontent trop vite à la surface. En fait, là, ils plient en deux. Ben, t'es tellement mal, je pense qu'il était replié, justement. Mais ça, c'est je sais pas. Je peux pas vous affirmer ça à 100%. J'ai jamais fait de la plongée. Et c'était comme si Radiohead, par exemple, avait fait un parallèle entre leur mal de vivre, là, qui transparaît très fortement au travers de leur musique bien déprimante. Ils faisaient un parallèle entre leur mal de vivre et cette maladie de plongeur. Moi, je trouve ça quand même assez brillant. Puis aujourd'hui, quand je dis que je suis déprimée, je dis que j'ai The Benz. Oui, ben oui, Benz on the Run, comme ils disent. The Benz. Benz on the Run. Mon imitation de Paul McCartney. Très bon. Bref, mais c'est pas de plongée sous-marine, ni de l'album de The Benz dont je veux vous parler aujourd'hui, mais bien de l'album qui a projeté Radiohead au succès mondial qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc tout ça, là, c'est un intro à mon sujet. C'est correct, on aime ça. T'as des yeux de genre, oh mon Dieu, on vient de finir assemblage rookie, puis on pack nos petits, puis on s'en va. Le titre de l'album, c'est OK Computer. C'est un album qui traite en général de l'aliénation moderne, c'est-à-dire notre dépendance aux produits de consommation, aux pubs, à l'informatique, tout ce qui nous déconnecte dans le fond du fait d'être humain et qui nous engourdit, bref. Fait que dans le fond, une espèce d'état où on est dans notre bulle, puis qu'on est comme plus enraciné avec la terre, on n'est plus en lien les uns avec les autres, puis on... Bref, grosse dépression. C'est bien triste. L'album est paru en 1997 et par l'excellence de la qualité de la musique a forcé tous ceux qui ne connaissaient pas Radiohead à en prendre connaissance. Et le magazine Rolling Stone encore a désigné OK Computer comme entre guillemets un stunning art rock tour de force. Oh wow, mais quand ils servent de terme français, tour là... Tour de force! C'est hot. Fait que c'est vraiment comme une espèce de coup d'état musical qui résume super bien, à mon avis, l'impact que cet album-là a eu sur tout l'univers musical jusqu'à aujourd'hui. Et l'effet va au-delà d'avoir créé une vague de wannabe artistes et bands sur MySpace qui inscrivaient tous dans la case « influence musicale Radiohead ». Vous saviez, dans la période, là, fin 90, début 2000, là, MySpace était bien in, puis t'avais des wannabe artistes qui allaient là-dessus, puis tout le monde trippait sur Radiohead, fait qu'ils écrivaient « Ah, oh, moi, mon inspiration dans ma vie, c'est Radiohead. Ils m'ont empêché de me tuer, de me couper les veines. Bref, je me demande de l'écharpe. Non! Bref, dans OK Computer, tout était là pour plaire à la mini full fruit ado Justine que j'étais à l'époque. Hein? La violence des paroles, parfois accompagnée par une guitare plus musclée, était parfaite pour transformer en concret les méandres abstraits de mon esprit d'ado. J'écoutais ça en boucle dans l'autobus scolaire, mais il y a une chanson que je me rappelle que j'aimais pas particulièrement, mais qu'aujourd'hui, je sais apprécier énormément. Et on va aller l'écouter sans plus tarder. Il s'agit de la chanson « Let Down » de Radiohead à Justine au platine sur les ondes de C'est fou.

C'était Radiohead avec Electioneering, une des chansons qui brasse le plus sur l'album OK Computer qui est sorti en 1997. Un album qui a vraiment beaucoup marqué mon adolescence et on peut entendre pourquoi ça a pu me plaire. Surtout avec la deuxième chanson que j'ai fait jouer, Paranoid Android, qui est des plus troublantes. J'ai pas d'autres mots. Non. C'est pas plus troublant que ça, c'est la planète. Paranoïante. Paranoïante. C'est quelque chose, si vous avez 5 secondes à un moment donné pour aller voir juste le vidéoclip sur YouTube, allez-y, ça vaut la peine. C'est une bande dessinée, c'est de toute beauté. Là. C'est vraiment assez... C'est déprimant, mais c'est très coloré. Au moins, c'est pas en blanc et noir. C'est ça. On est à 2 pouces de se tuer après d'avoir écouté ça. Puis la première chanson que je vous ai fait jouer, Let Down, qui est une chanson que j'apprends à apprécier là, de plus en plus. C'est comme un bon vin, hein, ça vieillit bien. Puis une chanson que j'ai pas fait jouer de cet album-là, c'est Karma Police, que vous avez dit, ouais, mais là, t'as pas fait jouer Karma Police. Trop connu. C'est à cause que ça joue tellement souvent sur la radio, fait que je voulais vous faire entendre autre chose. Karma Police, qui est dans le fond une chanson dans laquelle, dans le vidéoclip, il y a un char, puis il y a un monsieur qui court. Puis le char, est comme, il roule lentement, mais il court après le gars, là, en gros, avec un espèce d'éclairage douteux. Puis il y a du feu à un moment donné. Là, c'est de toute beauté, ça avec. Tout bon clip devrait avoir du feu. Bref, OK Computer, ce ne fut pas le dernier album, vraiment pas, de Radiohead. Parce qu'après ça, ils ont lancé une espèce de. Ils sont partis sur un trip électro avec Kid A et Amnesiac, deux albums parus entre les années 1999 et 2001. C'est deux excellents albums, à mon avis, électro, mais c'est complètement différent de tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Par la suite est sorti Hail to the Thief en 2002. C'est un excellent album qui, lui aussi, m'a marqué, mais un peu plus tard, disons, dans mon adolescence. Je t'ai rendu au cégep quand j'écoutais ça. In Rainbows, aussi très bon, mais recommencent à reprendre un peu de leur touche électro. Ça, c'est sorti en 2005. The King of Limbs en 2009, ça, c'était leur dernier. Et puis, King of Limbs, dans le fond, a été produit en collaboration avec Nigel Godrich, qui en collaboration, à nouveau, avec Tom York, seul, ces deux-là, le duo, dans le fond, ont sorti un album au titre de Amok, qui, dans le fond, vient du band Atoms for Peace. Fait que Nigel puis Tom York, ils ont décidé, nous autres, on va se faire un petit mini-band, Atoms for Peace. Puis l'album va s'intituler Amok, puis on va comme un peu se dissocier pendant une couple d'années de Radiohead. Puis ça a donné quand même quelque chose de très bien, très électro en même temps, c'est très expérimental. Faut prendre le temps de s'asseoir puis vraiment l'écouter. Mais c'est vraiment excellent pour vrai. Puis en ce moment, ils prennent un break, le Radiohead. Là, Tom York, des fois, est un peu écœuré, là, il est un peu troublé. Fait qu'en ce moment, ils disent, bon, on prend un break. Mais ça fait, je pense, du bien un peu parce qu'il faut qu'ils se ressourcent un peu, leurs muses. Ils sont quand même dans la business depuis 1985. Saviez-vous que Tom York avait un petit frère? Non. Ben ça, c'est pas intéressant en soi. Mais non. C'est plus intéressant le fait qu'il faisait de la musique, lui aussi, et qu'il avait un band intitulé Unbelievable Truth jusqu'en 2000. Puis c'était un flop. Saviez-vous que le nom du band Radiohead était au début On a Friday? Ah, c'était un peu plate, hein? Savez-vous pourquoi? Non. Parce que leur jour de pratique était le vendredi et qu'ils se sont réunis la première fois pour jammer un vendredi soir. Et qu'ils n'ont vraiment juste pas cherché plus loin que ça. Exactement. Puis quand ils ont signé avec EMI, là, la grande label de disques, ils ont dit « changer de titre, s'il vous plaît ». Et aussi, dernier petit fait cocasse et un peu cocu. Non, il n'est pas cocu, ce fait-là. Cocasse, ben en masse. Creep. Le single de Pablo Honey, là, où est-ce que le chanteur Tom York dit « Oh, je suis tellement depressed, je suis tellement loser, je suis tellement... » Bref, cette chanson-là, où est-ce qu'il se plaint, puis qu'il se plaint, puis qu'il se plaint, mais pourtant, elle est donc bien bonne, cette chanson-là, a été bannie, en fait, entre guillemets, par la BBC Radio 1 parce qu'elle était trop déprimante. Ah, mon Dieu! Je vous le jure! Ça n'apprend pas grand-chose, me semble. Elle n'est pas bannie, elle a été blacklistée, mettons. Okay. Là, elle a été, là, genre, on ne la jouera pas parce que l'adolescence... Anglotérienne, elle va, c'est ça. Le angst va être trop élevé. Le angst. Ah oui, elle retourne avec la définition de angst. Au début, je disais angst comme dans anger. Au début de la chronique. Mathieu, le non-anglophone, avait raison. J'étais convaincu que angst était un raccourci de anxiété et toi, t'étais convaincu que c'était comme frustration. Anger, oui. Donc, on avait un peu tous les deux raisons. It's a feeling of anxiety or apprehension, often accompanied by depression. Accompanied by bloating, sore throat and a headache. Un sentiment d'anxiété ou d'appréhension souvent accompagné de dépression. Ça va, ça? Ouais, c'est bon, ça. Fait que, j'étais comme, pas tout à fait. Ben, d'habitude, ils sont frus, les ados. En tout cas, moi, j'étais fru. T'étais-tu fruit? Oh, oui. Moi, j'étais tout en fruit. Ouais. T'étais tout en fruit? Oui, Mathieu, il a pas décroché. Ça a pas changé. Il est encore fruit. On m'appelle Mathieu Plankst. Angst Plankst. Tu fais ton vautour de Donkey Kong. Et on est revenu au début de la chronique, Full Circle. Oh mon Dieu, c'est tellement un bon album, ça, de Half Moon Run. C'est pas un album, c'est une chanson. Du Roi Lion, très bonne chanson. Non, tu sais, la chanson de Half Moon Run, là, Full Circle. Là. Ouais, ouais, pourquoi tu me chuchotes? Je te chuchote pas, je parle. Okay. C'est que j'ai mal aux lèvres. Si je me joue après les lèvres, fait qu'il pense que je fais des signes de genre, comme si je voulais cacher à Steph ce dont on parlait. Justine Renaud. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu avais terminé? Ben oui, Colin. Dans deux semaines, je reviens avec encore beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de musique, beaucoup trop de tout sur une platine à quelque part. Et ça, c'est la semaine dans deux semaines? C'est ça que j'ai dit. Ça, ce sera le 5 février qu'on va te retrouver à 7h30 les mercredis aux deux semaines. Oui. Merci, Justine. Ça me fait plaisir. Tu restes avec nous? Ben oui. Ben, mettons 19 minutes. OK. On va faire la chronique la plus fun à faire en gang. C'est-à-dire. Oh, oui. Oh, oh, oh. C'est une spéciale de réponse, là, je pense, tantôt. Ouais. OK, j'étais comme pas sûr. Moi, c'est ça, c'est celle qui est le plus fun en gang. C'est cool. Mais pour l'instant, quelques messages. Gang bang. Ah. Oh. Ah, oh, ben ça, c'est bien. C'est ce que tu veux. Le studio, pas de caméra. Ah, attends, il y a une caméra. Fermez. Tant mieux, je vais regarder pour enregistrer ça. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 22 janvier 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On a toujours Justine Renaud avec nous aussi. Les deux se font un combat d'épée, mais avec des ceintures de veste, apparemment. Donc, Il y a juste moi qui en ai une. Ah, ouais, je gagne. C'est un peu comme injuste, là, je trouve, par contre. C'est ça. Injustine. C'est une injustine. Une injustine. Ouais. Oh mon Dieu! On cherche des noms qui finissent en rime pour une future chronique de Justine, parce que Justine, vous savez, change de chronique comme elle change de... Guitariste. Guitariste, c'est ça, dans le bend dans sa tête. Caresse mon guitariste. Ça me fait penser, non, laisse faire. Une joke de notre de guitariste. Humoriste préféré. J'aimerais ça que tu caresses mon guitariste. Ah, OK. Hé, oh, Mathieu, t'es un disciple. Une fois par jour cette semaine. On écoute ça puis on revient après avec Sex, mais ça devrait répondre. C'est Jimmy Hunt. C'est bon. Yeah, oui. Je crois. Jimmy Hunt et Marie les Bleus à Assemblage Requis. On était parti sur des mots en « in ». On a trouvé « agglutine ». On a trouvé « clitoris ». Clitorine. Mais c'était ça la blague. Avant la chanson, c'était ça la blague. Là. C'était quoi? Raconte-la encore, la blague de François Pérus. On va le dire. J'aimerais caresser ton guitariste. Ce serait comme une femme qui est bien frigide puis qui comprend pas que son mari, dans le fond, veut caresser son clitoris. Dirait guitariste. On a compris comme deux fois que tu l'expliques. C'est une joke de François Pérus. Ouais. Je suis désolée. Avec le pic. Là. Sur ta corde raide. On the G-string. Ding, ding, ding. Oh, le G-string, j'aime ça. Yeah. La corde, la corde là, qui est un G, là, le do ré mi fa sol la si. Oui, sol. Sol. À un moment donné, ma G-string a pété pour vrai. Mais je jouais à la guitare. Là. Ok, celle-là. Mon G-string a pété. Je me demandais ta parole, qu'est-ce que tu faisais pour ton G-string? Non, je joue vraiment à la guitare, puis il y a vraiment une corde, puis c'est vraiment la corde de sol qui a pété. Fait, j'ai dit, my G-string broke. Ma mère, elle m'a trouvé bien drôle. J'avais pas de public dans le temps. Rien qu'une petite chirurgie plastique ne pourra pas régler, comme on dit. Mm. C'est ton G-string. Ben oui. Bref, on n'abusera pas du histoire pas de punch, regarde. Hein? Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Ready? C'est ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. La petite chronique où on s'achète des choses sur Internet, c'est bien simple. Sortez votre petit numéro en arrière de la carte à trois chiffres et votre date de naissance. Non, pas votre date. Ça, c'est la date d'expiration de la carte, je pense. Oui. En tout cas, sortez une date quelconque. Commençons avec, tiens, des ballons. Arc! Si t'aimes pas les ballons quand ça pète, c'est ça? J'aime pas les ballons. Tout ce qui pète, j'aime pas ça. I don't like balloons. Ouais, mais toi, tu fais partie aussi de ceux qui aiment pas ça quand leurs pieds sont. C'est quoi, t'es claustrophobe? Ouais, je suis claustrophobe des pieds. Tu n'aimes pas les ballons? Je déteste les balloons. Ah, ben, je préfère ça que ceux qui se frottent la ballon sur la crotch puis qui trouvent ça excitant. Yeah, mais. Je trouve ça bizarre. C'est une dépendance, c'est un fétiche. Il y a ça. Le cœur me lève. Ouais. Ils s'appellent des Looners, bref. Illum Balloons, tiens, parce que des ballons, c'est bien beau, mais des ballons qui s'illuminent de lumière, c'est encore mieux. Tu tires sur une petite affaire et ça active la lumière dans le ballon. Tu le gonfles, comme tu ferais avec un ballon normal, et là, t'as un ballon qui s'illumine pendant environ 15 heures. C'est parfait pour les fêtes, les parties, les mariages ou pour les remplir d'hélium. Ça vient en paquet de 15, d'une variété de couleurs, et ça donne vraiment des ballons avec une lumière dedans. Il y a la forme de ballon, c'est un vrai ballon. Ça marche dessus pour les ballons d'eau. Hey, vas-y, Steph. Les ballons d'eau? Et tu peux pas poigner de choc électrique avec ça, ouais. Les ballons d'eau? C'est pas plugué dans le mur. Hein? Penses-tu? Mais là, ta batterie est pas assez forte. C'est sûrement une lumière LED, j'imagine, à l'intérieur. Tout ce qu'il y a de plus écono et économore. Énergie pauvre. Énergie pauvre. Ça coûte environ 10, ça dit 10 livres, mais c'est quand même chipable pas mal partout. 15 couleurs. Fait que ça, c'est Energy Star, tu dis? Energy Star, exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a des stars Energy Star, tu penses? Des stars. Al Gore. C'est pas électrique. Al Gore, he's an Energy Star. He's an Energy Star. Dancing Queen, Energy Star. Ensuite, ah tiens. Pour vous, mesdames, et ceux que ça y a retente de le faire de l'autre bord aussi, c'est une nouvelle façon de vous réveiller. Vous savez, vous réveillez le matin avec un petit chatouillis, exactement, dans votre entre-genre féminin. Du bois matinal, qui appelle ça en anglais. Exactement, Morning Wood. Ils vous font le Wake Up Vibe. C'est un appareil à 70$ qu'on met dans le sous-vêtement. Oui, oui, et ça vous donne des sensations de plaisir. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin en train de vous faire ça à vous-même. C'est amusant. Hein? Puis tu fais quoi quand tu dors tout nu? Ouais. J'ai le même problème. Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? Je me le demande, en effet. Je vais venir le tenir. C'est ça. Mais ça a une très bonne forme que ça s'insère, j'imagine. Non, ça, je m'excuse, c'est externe. Ça. Regarde la forme, là. Ça rentre pas nulle part, ça, là. Non, je sais pas. Ça rentre pas nulle part. Il y a un bout pointu, tu sais. Ouais, mais non, ça va s'accoter. C'est fait en forme un peu de souris, genre Bluetooth là, pour petits portables, là, les petites souris là, minuscules. Là. Sans roulette, par contre. La roulette. En forme de chip Pringles. Avec le coin plus en forme de souris, en fait. Ouais, c'est ça, en forme de souris. Mais bref, c'est une alarme qui va vous réveiller en vous shakant le pantaloon. Les couleurs sont belles. Oui, rose, mauve et noir. C'est quand même pas pire. Are you ready for a vibrating wake-up? Yes, I am. Ensuite, tiens, pour ceux qui veulent fêter la Saint-Valentin d'une façon un petit peu plus originale, bon, on se pourrait acheter un gros plateau là, de 100 bouchées. Peu importe. Tu sais, genre super sophistiqué avec une bouteille de vin, c'est bien beau. Mais... c'est cher. À la place, on pourrait acheter des M&M personnalisés. pour la Saint-Valentin. C'est des petits MM de chocolat avec un message personnalisé imprimé à la surface. On peut aussi envoyer des images. Tu as droit à 18 caractères imprimés sur chaque MM. Il faut que ce soit clean, dans le sens que ça va être censuré sur des messages avec des mots genre. Pénis. Would you like to fuck me? Genre quelque chose comme 18 ça. 18 caractères. 18 caractères, hein? Fait que, mettons que tu veux genre Marry Me Leslie Ann Anderson, c'est trop long. Ça. Juste le prénom, ça va aller. Elle va se reconnaître, je pense. Ben, même Leslie Ann. Ouais, Leslie Ann, c'est un peu bizarre. Là. T'es sur le bord de le péter, là. En tout cas. De péter le M&M. Tu avec ton verso, s'il te plaît. Je peux-tu te péter le M&M? Comme message, c'est parfait. Okay. Oui, t'es un commanditaire, fait que ça doit passer. Et voilà. Donc, c'est ça, on peut inclure des images, comme je disais aussi, et on peut commander ces M&M personnalisés sur sur mymms.com. Mymms.com. Ça, c'est une belle pub. Ensuite, on aime tous les bobbleheads. Oui. Les petites poupées, genre les petites figurines, si on veut, avec la tête qui bouge. Ben, il y a une compagnie qui s'appelle Mixi Labs. C'est une boutique d'impression 3D. Ils vont lancer, eux, un système d'impression de bobblehead qui s'appelle Mixi Bubblers. Ça vous permet de faire votre propre design, un peu comme sur la Nintendo Wii, avec les personnages, les Mii, là, sur la Wii, où tu peux choisir des gros sourcils. C'est très, très dessin animé. Ben, c'est la même chose, dans le même genre, et eux vont vous envoyer après ça votre figurine avec le petit ressort après la tête. C'est vraiment très, très cartoon. C'est cool! Vraiment, ouais. C'est 2,5 pouces de haut, imprimé en 3D avec le ressort inclus. C'est fait d'une sorte de plastique, nylon plastique qu'ils appellent. On peut commander ces Mixi Bubblers à partir du 21 janvier, donc c'est déjà commencé pour 25$ américains chacun. C'est cher. C'est un peu cher. Pour la gang d'assemblage Ricky, là... Pour la grosseur du gadget. Ouais. Tu payes au format. Ouais. En tout cas, ça va nous coûter cher si on débloque un budget pour ça. C'est le fun d'avoir une figurine zone campus avec Stéphanie qui fait comme... Non, c'est pas correct! Non, c'est pas correct! Non! Quelque chose de négatif. Pourquoi? Je fais jamais ça. Non, je sais, mais c'est le personnage de la prédatrice en chef, la dictatrice en chef qui me dit... Mais non, ça c'est plus ton genre de texte, genre « Non, c'est pas correct, je fais juste chialer. » Moi, c'est plus comme « Fais ça maintenant! » Exactement. Donc, tu sais, quand on sort son chien se promener pour lui faire ses besoins, etc., on a des fois besoin de revenir à l'intérieur de la maison pour quelques instants, aller aux toilettes, aller chercher quelque chose, n'importe quoi, des petits sacs pour avoir ses besoins. Mais là, faut que tu fasses rentrer ton chien ou que tu le laisses dehors, puis tu l'attaches, puis il y a des choses qui s'échappent. Ben oui. Puis aller se faire frapper. Qui s'échappent, puis qui disent quelque chose de désobligeant. Pauline Marois, voyons, tu veux pas que fasse ça. Des commentaires. Tes robes sont pas belles, Pauline Marois. Ah, donc, il vous faut le Paws Safe Spot Locking Leash. Paws de ça. Donc, c'est une laisse pour chien qui s'attache à n'importe quel objet ou n'importe quel poteau de lumière dans la rue, n'importe quel poteau de téléphone, un peu comme un cadenas à vélo. Donc, c'est un collier c'est un collier de chien complètement ajustable. C'est ça, à l'intérieur, c'est fait en acier. Et puis, ça se barre après à peu près n'importe quoi, un peu comme un vélo. Donc, vous traînez ça, c'est cool quand même. Ben oui. Ou sinon, tu l'attaches directement dehors comme ça, puis à la place d'aller faire ses besoins, tu fais juste le sacré dehors, puis fais ses besoins quand ça y tente, puis... C'est plus sécuritaire qu'une petite corde achetée dans un magasin à 1$. Ah, ben c'est cool. C'est cool. Ensuite, un aspirateur maintenant qui vous montre le nombre de calories que vous avez brûlées. C'est la seule façon pour moi de faire de l'exercice une fois par deux semaines, le vendredi soir, de passer l'aspirateur. Ah, le vendredi soir? Friday night! Moi, c'est le vendredi matin ou le jeudi soir. En tout cas, il faut que ça soit fait quand ça arrive à la maison de Montréal. Fait que fais ça! C'est juste qu'il faut que ça soit comme... C'est là que je le fais, là. Il me semble qu'il y a cette fin qui apparaît. Ça, c'est du respect. C'est pas une obligation. C'est non, c'est pas une obligation. C'est du respect. I-S-P-E-C-G. Ouais, on connaît pas le reste des paroles, moi. Find out what it means to me. R-E-S-P-C-T. Bon. Donc, il vous faut la Air Ram d'une compagnie basée au Royaume-Uni qui est G-Tech. Hein, aussi, ça, le mot tech dedans, c'est autant très, très crédible. Donc, c'est un aspirateur sans fil avec un système très, très léger, sans sac. Là, comme la plupart des aspirateurs, ça peut être utilisé sur du bois, de la tuile, les tapis, n'importe quoi. Ça fonctionne 40 minutes par charge. Et ensuite, on peut le connecter par ordinateur via USB pour savoir combien de calories vous avez brûlées en vous en servant. Ça coûte $350 sur brookstone.com. Beaucoup d'argent pour un aspirateur, mais une garantie de retour en argent en 30 jours. Vous n'aimez pas ça. Mais je sais pas à quoi ça va servir. Un peu comme, c'est comme l'équivalent de Wii Fit, mais pour le ménage. Ouais, mon ami, ça sert absolument à rien. C'est super cher. Ça donne tellement rien. Hein. C'est, tu sais, qu'est-ce que ça va donner de savoir combien de calories t'as brûlé? Fais juste les brûler. Ça te tente-tu pas de juste genre penser que t'es à zéro calorie pour faire davantage d'exercices? Pourquoi tu compterais ça dans ton workout quotidien si t'avais pas cet aspirateur-là qui te coûte les yeux de la tête et que tu ne comptais pas, tu maigrirais encore plus vite? C'est vrai. Peut-être que si tu sais combien de calories t'as brûlé la dernière fois, tu vas vouloir faire encore plus attention dans tes coins. C'est vraiment faire les coins comme ça. C'est n'importe quoi. Je m'excuse. De toute façon, tu brûles combien de calories en passant à balayeuse? Là? 150? Ouais, 150, mais c'est quand même bien. Là. Je veux dire, je peux faire une demi-heure d'elliptique puis juste brûler ça 150. Dépendant combien t'as d'escaliers à la maison. Ça aide, ça? Monter, descendre. Aucun. Et voilà, c'est réglé. D'accord. J'ai un et demi. Deux calories. Ensuite, ça, c'est des Oreos, mais à savoir de DQ Blizzard. Vous savez, les DQ Blizzard, là, c'est les blizzards, chez Dairy Queen. Et il y en a ça, au... Ça, c'est bon. Il y en a au Oreo, des blizzards, hein? Oui. Et ce que vois sur la couverture... C'est l'inverse. C'est un Oreo à la blizzard. Crème d'Oreo. Parce que c'est un Oreo Blizzard, donc c'est à saveur d'Oreo. C'est un Oreo. À saveur de lui-même. C'est bon. C'est hot. Ouais. J'aime ça, c'est une mise en abîme. C'est comme Inception d'Oreo. Oreoception, j'aime ça. Ouais, Oreo Speed City. Fait que c'est ma mouth. Oreo Speed. Ah, mon Dieu. Hey, je regarde ça, ça me fait penser. Hier, je me suis sentie comme toi, Mathieu. J'ai regardé... Avec des favoris. Oh, j'avais bien du poil, puis... Pas tant que ça. Non, mais j'ai regardé, c'est Aziz, là, Food Factory. C'est un peu comme comment c'est fait, mais c'est juste de la bouffe. Fait qu'ils montrent comment ils font de la bouffe. Puis là, ils montraient des bonbons. J'ai oublié le nom, malheureusement. Mais il y a pas ça ici. Puis là, j'ai comme... Mais non, c'est parce que tu comprends pas, j'en veux. Là, ils montrent ça à la TV. C'est un bonbon, genre en poudre, qui devient de la gomme quand tu le manges. Là, j'étais juste... Oh mon Dieu, c'est beau, on en veut. Et ma belle-sœur était comme, penses-tu ça se commande sur eBay? J'ai comme, oh, on va tellement voir. Ouais. Bon, on n'est pas allé finalement, mais c'est sûr qu'on se commande ça. Mais c'est parce que je me suis sentie comme toi, qui est tellement influençable par toute la bouffe qu'il qui commande tout le temps de la poudre sur Internet. Tout le temps. de la facile d'accès. Ouais, je voulais dire, oui, c'est ça. Qu'on reparlera dans une autre chronique là, de notre loot crate qu'on veut se commander. On en reparle un jour. Ah, pas le choix. Ensuite, tiens, Drop Stop. Si vous êtes en voiture et que vous allez vous commander du McDonald's ou n'importe quelle autre façon. Ou que t'es un gros cochon. T'es un gros cochon qui sait pas manger. T'as des frites partout dans ton auto. Hein, ça tombe entre les sièges, ça pue de l'heure. Entre les seins. ça, je ne peux pas vous aider. Mais entre les sièges, ça, je peux. Donc, que ce soit pièce de monnaie, téléphone cellulaire ou dans mon cas, mes stylos. Je pense que j'ai laissé 3-4 stylos dans ton auto, Steph, depuis quelques temps. Mais bref, il vous faut les drop stops. C'est du néoprène, c'est comme un genre de wedge comme une genre de pointe, si on veut, qui s'insère entre les sièges et qui, en plus, on peut l'agrandir ou le rapetisser, dépendant de la grandeur ou de l'espace entre les sièges. Ces couleurs, on dit « shadow colored », donc couleur genre ombre, dans le sens que ça va passer d'aperçu entre vos sièges. C'est fait pour avoir l'air juste d'un trou et non pas d'une plaque de plastique qui a été ajoutée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, surtout je regarde les photos et j'ai vraiment un cas vécu. En plus, c'est très drôle, la photo, c'est une vieille Honda Civic, probablement 96, je reconnais... J'en regarde le manche, puis le piton du manche. Oh oui, je reconnais les items. Et là, ton iPhone qui est en train de glisser entre le siège et la boîte du milieu. On s'est arrivé avec mon premier iPod Touch que j'ai cherché pendant des mois et des mois. Et je l'ai retrouvé là, mais tu sais, je m'en étais déjà racheté un plus récent. C'est une bonne excuse pour toi d'en racheter un autre, là, aussi. J'ai vraiment cherché fort. Je le promets, papa, j'ai vraiment cherché fort avant de dépasser pour un nouveau. Moi, j'ai déjà échappé mes papiers d'impôt, puis je les avais déjà envoyés, mes impôts, puis il a fallu que je fasse une correction parce qu'il était tombé entre le siège puis le... Ça, c'est plate, par exemple. Ouais. Ben, ça serait pas arrivé avec... Je suis vraiment épaisse. Drop Stop. Donc, ça vient en paquet de deux. Et un pour le siège du conducteur et un pour le siège du passager, c'est Drop Stop. On retrouve ça sur Amazon, entre autres, pour, attention, je veux le prix, à l'instant, 25$ environ, et c'est sur Amazon Prime. Mais je regarde ça, puis on dirait qu'une paire de bas, ça ferait pareil. Ouais. Ce serait pas aussi beau, ce serait pas shadow colored. Ben oui, mais achète des bas noirs. C'est ça, des bas shadow. T'as pas besoin de les acheter blancs avec la petite ligne rouge dans le haut, là. Ah oui. Qui pue. Comme les vieilles couvertes. Tu sais, les vieilles couvertes qui étaient comme grises avec une barre rouge dessus, là. Tout le monde a ces couvertes-là. Ben oui. Bref, si vous avez un petit appartement, on a déterminé tantôt dans notre imagination que Stéphanie avait un et demi. Ouais. Donc, vivre dans ce petit espace et savoir comment l'utiliser, c'est ce qu'il faut faire. Il faut savoir comment rentabiliser son espace. maximiser son espace. Donc, il vous faut le pod pad. C'est un truc, un morceau qu'on installe sur le mur. Et là, quand tu déplies les tablettes ou les armoires, ça fait un bureau des tablettes pour mettre tes affaires, évidemment. Tu as du storage, des genres de tiroirs pour le courrier, vos fichiers, vos dossiers. Et il y a ce qu'on appelle une shadow box qui est faite pour montrer votre téléphone cellulaire. Et en arrière, il y a comme un genre de... Ben, en dessous, il y a comme un panneau qui cache le fil pour aller le charger. Donc, tu vas mettre ton dock en haut et tu vas juste avoir de mettre ton téléphone là. Il n'y aura pas un fil qui va dépasser en arrière. Ben oui, ça cache le fil vraiment beaucoup. Il y a des craques tout le tour puis c'est pas de la même couleur. J'avoue que ça a été peut-être mal peinturé, en effet. Ça, je l'avoue. Donc, c'est ça. Et puis, c'est fait pour aller avec le Samsung Wireless AirTrack Sound Bar. Donc, tu peux intégrer une barre de son, là, comme il est très à la mode en ce moment dans les cinémas maison. C'est juste une petite barre que tu mets en dessous de ta télé pour avoir du son au cinéma maison. Mais c'est fait pour accommoder une de ces barres-là Samsung dans la boîte pour que ça fasse du genre de cinéma maison. Si faut-tu que tu mettes une télé là-dedans? Je comprends pas. Non, pour ton portable, mettons. Ah, c'est pour le portable. Genre, c'est ça. Et tout ça vaut combien? 1 200 $ chez Roofit. Voyons donc. Hey, OK, dans ça ne marche pas. Un, c'est laid. Oui. Pas très beau. Deux, le bois fait pas partout. Deux, si t'es pogné dans un 1,5 puis t'es capable de t'acheter un meuble à 1 200 $, il y a un problème, là. Ben, peut-être que tu vis genre à New York, là, puis les appartements sont très chers. 1,5, c'est genre un loft, là. De genre oui, c'est 300 ça. Pieds carrés. Je sais pas combien de pieds carrés. Ouais, c'est ça. J'ai aucune idée, moi, des pieds carrés, ça me dit rien. Peux-tu me le dire en hectares, s'il te plaît? Ah. Mais ça, pour les prix des lofts, ça dépend vraiment, tu sais, ça dépend de qui cherche un appartement, parce que tu sais, c'est la loi de l'offre et la demande. L'offre. Ah, l'offre et la demande. Quand même pas pire. Au début, j'ai entendu l'offre et la demande, mais ça, c'est quoi, j'ai fait. C'est Guy Mongrain, ça, hein, c'est ça. Sérieux? Non, l'œuf ou l'argent. Ah, l'œuf ou la poule. Ah, j'aime ça. Oui, l'œuf ou la poule. Ouais, c'est ça. L'œuf ou la poule. Ben non, c'est pas l'œuf ou la poule. C'est l'œuf ou l'argent, je savais. Ben oui. Hey, c'est pas l'émission numéro 1 des BBM pour rien. La poule. Va te prendre la poule, s'il te plaît. Là, Guy, serais-tu mêlé de... Touche pas ma poule, c'est ma poule. Il couche avec le son. Ça, c'est de la diffamation, fait qu'on retire ces paroles-là. Ben oui. Four des poules! Ensuite, un nouveau système pour garder votre téléphone à l'abri des intempéries. Tu sais, des fois, on échappe son téléphone dans l'eau. Non. Non, moi non plus. Et là, c'est pas garanti, donc ça va vous coûter 300 $ pour changer votre iPhone. Eh bien, les gens font ça apparemment. Ils font pas attention. Il vous faut Real Clip. C'est un système discret qui va attacher votre téléphone, en fait, à n'importe où, parce que c'est une clip, OK? Donc, tu l'attaches, mettons, à ton chandail, et il y a une petite corde après, OK? Donc, tu peux, un peu comme les gens ont des clés après les leur... Les porte-clés de concierge. C'est de concierge. Que tu tires, tu vas mettre dans ta poignée, puis après ça, tu fais... Puis ça revient comme un Batman. Là, sur ta ceinture. C'est aussi peu esthétique qu'un truc pour tenir les lunettes. Ah, oui, les petites cordes. De bibliothécaire. Mais de bibliothécaire sexy. Un enfant de 5 ans qui commence à avoir des lunettes, puis qu'il faut que tu y attaches les lunettes, sinon ils échappent. En effet. Hey, toi, Justine, bibliothécaire sexy, ça existe, hein? Dans quel film? Partout, ça existe, une bibliothécaire sexy, ça se peut? J'ai jamais vu ça. On m'a tout le temps dit que ça existait pas. Je vois jamais des bibliothèques, je suis même pas lettrée. Bon, je pense que t'allais m'appuyer là-dedans. Yep. Dans ma poursuite. Ils sont bien des affaires, mais pas là-dessus, pas encore. Donc, Real Clip est dur, durable et bien construit. De plastique précarbonate, j'imagine, en tout cas. Bref, de Kevlar et de caoutchouc polyuréthane, extrêmement léger, 1 once. Et Real Clip est présentement en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter. On demande 17 $ pour avoir votre propre Real Clip. Moi, je ferais pas ça. J'avais de la vie. Ensuite, tiens, une tasse, ça garde au chaud quand tu mets du liquide chaud dedans. C'est le but d'une tasse, c'est du liquide chaud. C'est pour te réconforter l'hiver. Chocolat chaud, petite guimauve, n'est-ce pas? Bien sûr. On aime ça. Mais ce serait encore plus réconfortant si la tasse portait son propre chandail. Un beau petit sweater. Des chandos. Des chandos, exact. Donc, un petit pull. Un pull. C'est quétaine. Mais c'est une poche. C'est écœurant, hein? Je pense que c'est juste en laine, par contre. Petite poche carrée. Tu peux mettre quoi dedans? Rien. Une gomme chiclette. Oh, oui! C'est une petite gomme. Je pense pas qu'il y ait de fente, malheureusement, dans la poche, mais peut-être que je me trompe. C'est sur Etsy, la boutique en ligne. C'est Mug Sweater, l'utilisateur qui fabrique ça. Et puis, c'est ça, c'est pour vos tasses de café et de thé. Et même qu'ils vendent les patterns, les patrons, je pense. Yes, boss. Oh, fait qu'on peut les faire. T'as pas besoin de les acheter. C'est cool, hein? Mais quand t'as quelqu'un pour le faire pour toi, tant qu'à ça, tu dis oui, monsieur. Oui, patron. You know? Comme oui, monsieur, tricote. On sait, c'est surtout les hommes qui tricotent. Voilà. Avec un masque maintenant qui peut vous permettre de dormir pendant 2 heures par jour, peut-être que vous allez pouvoir vous réconforter avec votre tasse et ensuite vous endormir devant absolument rien parce que vous allez ne rien voir avec ce bandeau-là. Vous savez, on n'est pas obligé de dormir pendant 7-8 heures pour être en forme, nous dit-on, selon certains. On appelle ça le monophasic sleep. C'est à la place de faire son sommeil d'une seule shot, on fait son sommeil en petites phases. Donc, avec le masque NeuroOn, ça va vous aider à faire ça parce que vous allez absolument rien voir et ça va vous réveiller lorsque votre cycle de sommeil va être terminé. Donc, ça va analyser avec le bandeau sur les yeux, ça va analyser ton sommeil et comment tu bouges. Et à peu près après 2 heures, qui est en moyenne la longueur d'un cycle de sommeil, ça va te réveiller tranquillement. Et ça surveille tes mouvements des yeux. Les brainwaves, Justine, brainwaves? Les vagues des ondes cérébrales. Ondes cérébrales et la tension musculaire. Donc tout ça avec des sensors qui font tout ça. Et puis, autre détail important, il n'y en a pas vraiment. Ouais, c'est ça, on pourrait faire des power naps dans le fond, pas mal toute la journée. Avec cet appareil-là. Super puissant. Ouais. Ah, mais la dernière fois, je veux dire une affaire, là... T'as déjà fait une chronique sur le sommeil. Okay. T'as dit que c'était 1h30 un cycle. Fait que la fois, je pense que t'étais en train de dire que le cycle de 2 heures comprend une demi-heure que tu passes à penser à tes impôts. Ça doit être ça, parce que si tu t'endors pas nécessairement automatiquement, le sommeil en tant que tel, lui, doit durer 1h30, mais il y a du alentour, il y a du gros autour de ça. Ça doit dépendre de la personne aussi. Aussi, exactement. Oui. Exactement, de ton système. Mais le système monophasique dont on parlait tantôt, dans le fond, de faire plusieurs périodes de sommeil dans la journée, il y a entre autres Leonardo da Vinci, Tesla, Churchill et même Napoléon qui utilisaient ce système de sommeil-là. Le monophasique ou... Oui, c'est ça, c'est bien monophasique que j'avais dit tantôt. Le monophasique, c'est que tu dors, puis après ça, tu te réveilles, puis c'est tout, t'as pas de sieste. T'as pas de sieste, le monophasique. D'accord. Moi, je serais peut-être plus comme biphasique. OK. Qui fait ça? Il y a des petits graphiques là, sur le site, sur assemblagerequipe.com. J'avoue qu'il y a quand même plusieurs façons de faire ça. Biphasique, il y a le Everyman, le Dimaxion, le Uberman et le Chase. Moi, je fais le biphasique. Tu dors quand même une nuit de sommeil de 6 heures, puis tu fais une sieste de 2 heures dans la journée. Exact. Voilà ce que je fais. C'est ce que bien les gens font et ça fonctionne très bien pour eux. Ben, ça dépend. Voilà. Parce que j'ai du succès. Ben, t'as du succès en masse. Je suis fatiguée en tabarnouche ce matin. On le voit dans tous les journaux. Donc, présentement, ils sont sur Kickstarter. C'est ça. Non, présentement, ils ne sont plus sur Kickstarter. C'est terminé. On vous demandait de l'argent. Ils ont atteint leur seuil d'argent. Et là, ça devrait coûter 300$ une fois que ça va être disponible pour tous bientôt. Les liens sur assemblagerequipe.com. 300$ pour ça. Mais c'est quand même la technologie évoluée pour évaluer les ondes cérébrales. Là, c'est quelque chose. Là. Ça vaut l'argent. Alpha, bêta, delta, epsilon, blablabla. Velvita et tout. Velvita. Tout est là. Ensuite, tiens, celui-là, c'est très rapide. Kishu Binchotan Charcoal Bath Towels. C'est des serviettes faites à la main du Japon qui contiennent de la poudre de charcoal. Donc, ça, c'est des briquettes là, de charcoal. De charbon, bref. C'est ça, charcoal, charbon, oui. Ouais. Et puis, c'est ça absorbe l'humidité. Ça élimine les odeurs, c'est antibactérien. Et Ça fait tout. Et ça va évidemment pas s'enlever de la serviette. Là. Ça va juste rester dedans. C'est du charbon inactivé. Dans le fond, le principe, c'est pas compliqué. C'est que du charbon inactivé comme ça en poudre là, qui va être incorporé dans le fond, dans le tissu, va avoir une capacité d'absorption immense. Okay. Immense, OK? Fait que dans le fond, c'est comme si tu voyais microscopiquement à quoi ça ressemble, tu verrais qu'il y a plein de place pour les autres molécules d'odeur. Les molécules d'humidité, ben l'eau dans le fond, de s'y loger dans les petites molécules de charcoal dans le fond. Fait que c'est vraiment fou. Ça a un usage là, dans tellement de sphères là, dans le monde. Là. Juste au laboratoire, il faut qu'on en utilise pour stripper les sérums, pour enlever les stéroïdes dans les sérums. Wow, donc, t'es en train de me dire que c'est comme le premier gadget de cette chronique-là qui fonctionne probablement pour vrai. Non, je suis en train de te dire que genre les autres fonctionnent aussi, mais que lui, je peux t'expliquer pourquoi. OK, parfait, j'aime ça. Mais donc, c'est cool, puis en plus, ils sont super belles. Ouais, vraiment. Vrai? Mais je vous dis, ça marche, le charcoal. Moi, je me badigeonnerais là-dedans sans problème. Je vous jure, ça sent pas non plus le hamburger. Ben, ça sent pas l'arvise. Et ça a pas l'air d'une serviette spéciale. Ah non, elle est belle en plus, ça. C'est noir et gris foncé, pour vrai, c'est cute. Donc, on rappelle que c'est des Kishu Binchotan Charcoal Bath Towels. On dirait des espèces de les capes qu'ils ont dans Le Seigneur des Anneaux, là, quand ils se cachent dans les roches, là, un moment donné, quand ils essayent de rentrer dans Mordor. Là. Puis que Boromir, il dit « One does not simply walk into Mordor ». Ah oui, c'est ça, oui. Tu sais, ils se cachent comme une roche. Là, OK. Parce que c'est Galadriel qui leur ont donné une petite cape. Hey, tu savais pas que j'étais fan des Seigneurs des Anneaux? Hein? Non, et tu savais pas que moi, je me dis geek puis j'ai rien vu de ça. Hein? Tu savais pas ça? Lady Galadriel, la petite blonde, là, Kate Blanchett. Là. OK. Non, moi, la seule blonde que j'aime, c'est dans Game of Thrones. T'as-tu? Non, j'ai pas écouté Game of Thrones encore. Passe à ton prochain point. On va mijoter là-dessus tout à l'heure. OK. On va parler à la place de couteau. Hein? On va retourner à la cuisine. Non, c'était pas un bruit de couteau, ça. Non, pardon. Chling, Schling! Clippy! Clippy! Exactement, c'est Clippy Kitchen Knife Covers. C'est donc recouvre-lames, si on veut. KKK, Triple K. Ah, yeah, pour vrai. Oh, mon Dieu. Non, quelle erreur. Quelle erreur, quelle avec un K. N'importe quoi. Donc, ça vous permet de maintenir la coupation, la coupaison, la coupitude de votre couteau. Il va rester coupant, si on veut. Ça va vous empêcher aussi, évidemment, de faire un gros accident quand vous allez, par exemple, mettons, je sais pas, sortir ça du tiroir, hein, quand on regarde pas dans la nuit, qu'on se prend une pointe de gâteau, qu'on se hache le doigt. C'est sûr qu'on... On se coupe du gâteau avec un couteau de chef c'est comme sûr. Ça. Puis après, tu te dis, Colin, hey, c'est normal le fun, un gâteau coulis de framboise. Puis finalement, c'est pas ça pendant tout, ça. C'est la suite de... C'était ton sang. C'était mon gag de tantôt, ça. Bref, ça vient en rouge, en vert et en gris. Donc, c'est un ensemble de trois de ces Clippy Kitchen Knife Covers, les KKK Covers. Mais c'est quand même cute pour vrai. Est-ce que ça s'adapte à tous les types de couteaux? Il y a différentes grandeurs. Différentes grandeurs à ce que j'en vois ici. Là. C'est comme des condoms, c'est de laisser erreur. C'est sur t'en le site. Tu regardes puis tu t'estimes. Moi, j'en veux. Sur Animi Kosa, ça coûte 15$ pour l'ensemble. C'est ça, t'as juste le choix de rouge, vert et gris. Trois par morceau. Rouge, c'est rose. Excuse-moi, oui, c'est rose, t'as bien raison. Ben, ça dit rouge, mais c'est pas mal plus un rose. Et je me corrige moi-même en regardant sur le site. Chacune des couleurs représente une grandeur. Donc, le gris, c'est pour un petit couteau, le jaune pour un moyen et le rouge pour un plus gros couteau. C'est vert. Moi, c'est vraiment entre les deux, parce que ça dit rouge, vert et gris, mais c'est vraiment comme un jaune vert et un jaune de rouge rose, en tout cas. Bref. C'est pas jaune, ça. C'est des daltoniens qui ont conçu ça. Ça ressemble à ça. Quand on taque quelque chose, quand on agrafe quelque chose sur une surface ou des feuilles ensemble, justement. Sur un mamelon, ben des fois, c'est qu'on a besoin d'y aller sur un babillard et c'est pas pratique avec une taqueuse que tu peux pas démonter. Celle-là, c'est une taqueuse qui non seulement peut être juste déboîtée de son propre, de sa jointure, comme on fait d'habitude, mais c'est que celle-là est défaisable en morceaux avec un aimant. C'est vraiment une amélioration. C'est la Line Stapler avec une base détachable qui vous permet de taquer n'importe où, que ce soit donc sur du papier. En la défaisant pas, tu peux vraiment faire comme une taqueuse normale. Tu peux y aller sur un babillard, tu peux y aller avec un paquet d'affaires. C'est une forme carrée. On peut garder les affaires attachées ou détachées. Qu'est-ce que ça dit de plus aussi? Qu'on peut vu qu'il y a un aimant, tu peux le coller sur un tableau. Par exemple, un tableau blanc qui est fait en métal derrière, donc tu peux coller ça dessus. Un peu c'est comme vraiment tu collerais cool. Les faces. Ouais, vraiment. Je comprends pas pourquoi on n'y avait pas pensé avant. C'est plus ça ma question. Ben oui, tu vois, c'est moi, simple. Combien de fois quand j'étais petite, j'ai essayé de brocher mes feuilles, me faire un cahier broché en plein milieu. Ça marche, on peut pas. Ah, c'était la chose la plus frustrante du monde. Hein? Puis là, il fallait que tu ailles au secrétariat parce qu'eux autres, il y avait des agrafes spéciales. Ah! Oh. C'est-à-dire, tu pourrais vraiment taquer en plein milieu d'une feuille 8,5-11, si tu voulais. Tu pourrais vraiment faire ça parce que la barre se détache puis tu fais comme... Ben oui, tu pourrais taquer à peu près n'importe quoi. Génial. C'était un autre produit de Quirky. Là, on en parle souvent, la compagnie Quirky. Et ce produit-là coûte seulement 10$. Là, vous allez sûrement retrouver ça dans les grandes surfaces. Ça sent. Ensuite, un outil pour faire des igloos l'hiver. Tu sais, on aimerait tous ça, faire des igloos, mais on n'a pas les capacités physiques et mentales, c'est ça, dans mon cas, pour construire un igloo. Donc, il vous faut Icebox Igloo Maker. C'est un outil de paquetage de neige qui crée une forme, évidemment, de briques solides. Et vous créez les blocs, vous en mettez, mettons, je sais pas, 8 rangées de suite, puis ça va faire un beau petit igloo pour 180$. C'est le genre de... C'est cher de l'igloo, hein? Ben là, oui, rendu là, prendons là, des cartons de lait, là, ouvre-lait, là. Ouvre-lait. Mets de la neige puis de l'eau là-dedans, laisse ça sécher overnight, puis laisse ça geler là, dehors, puis après ça, tu t'en fais tout plein. Puis en plus, tu vas pouvoir mettre de la couleur, du colorant. Avez-vous déjà vu ça sur Facebook? Ça a passé une couple de fois. Là, quelqu'un qui avait fait un igloo avec des cartons là, de lait, il mettait de l'eau avec du colorant, il faisait geler ça. Puis après ça, quand il a fait son igloo puis il l'éclairait de l'intérieur, ça faisait multicolore, c'était de toute beauté. Fait que dans le fond, ça, c'est une bonne idée, mais c'est 180$, tandis que ta peinte de lait est... presque aussi cher au dépanneur. C'est vrai. Mais bon, ça vous dit que votre igloo va être stable et qu'il va durer longtemps. Et bon, voilà, donc c'est Icebox Igloo Maker. Un autre gadget pour la cuisine dont on n'a vraiment pas besoin, c'est, tu sais, quand tu dois sortir la plaque de ton four pour peut-être la changer de position, quelque chose comme ça, ou peut-être juste tirer sur la plaque pour pouvoir sortir ton plat avec tes mitaines, t'sais. Ben, il y a des gens apparemment qui sont pas capables de servir de leur mitaine pour juste tirer sa plaque. Il leur faut un gadget qui est le Devil Oven Rack Puller. C'est fait de silicone résistant à la chaleur. On utilise ça pour agripper la grille et tirer dessus. C'est n'importe quoi. Il y en a une méga perte de temps. Vraiment. Ça coûte 6,30$. Mais il est en forme de petit diable, puis il a une bouche, puis il est drôle. Ah, il est beau, mais ça sert absolument à rien. Absolument rien. Tout comme se faire des massages sur les seins, mais peut-être que ça peut valoir la peine. Je sais pas, c'est les Breast Gymnastics Hand Massager. Je comprends pas. C'est en forme des vraies mains d'une vraie vedette, Takiko Shindo, qui est populaire, reconnue pour ses gymnastiques de poitrine miraculeuses. si on veut. J'étais pas sûr si c'était féminin. Donc, tu prends la poignée, c'est vraiment comme une main avec un bâton après, et tu utilises ça pour te faire des massages à des endroits que tu ne peux pas d'habitude rejoindre avec ta main, mais en même temps, tu peux tellement rejoindre cet endroit-là. Mais je sais pas, sur les quatre photos principales, c'est les seins qu'elle se masse. Tout le temps les seins. C'est ça. C'est n'importe quoi. C'est pas un endroit inatteignable. Ça coûte 45$, mais c'est pour faire de la gymnastique de sein. J'imagine que ça va peut-être te renforcer. Mais là, 45$ pour... je suis sûr qu'il y en a qui me le feraient pour moins cher que ça. Le FBI Female Breast Inspector. T'as vu le gag d'ailleurs? On se fait un échange. Hein? Comment? Pardon. Mathieu veut filmer. Ensuite, tiens, si vous venez d'accoucher, peut-être... Ah! Peut-être que vous voulez un modèle en 3D de votre fœtus. Non! Une compagnie qui s'appelle 3D Babies vend des modèles en 3D de votre fœtus. 2D, c'est bien dans la masse, maudit. Entre 200$ pour le mini, 400$ pour le moyen et 600$ pour la version 8 pouces qui est grandeur nature. Ben voyons! On peut choisir de deux positions, la position fœtale ou fœta, comme dirait Steph. Position fœta. Et avec les mains et les pieds par en l'air, ce qui a l'air un petit peu inapproprié, mais quand même. On peut acheter aussi une réplique d'un bébé de vedette, par exemple Northwest, le bébé de Kanye West. Ouais, déjà que je voudrais pas le mien là-dedans même. Et on leur envoie des photos de bébé de l'ultrason. Des photos du bébé et de l'ultrason pour créer le fœtus. Tu peux même choisir sa couleur, light, medium ou dark. Ah wow, pour vrai? Ben oui, tabarnouche. On va vraiment que ça a un effet au niveau surtout là, du scrotum. Là. Oui. La coloration. En effet, et que le dark est pas tellement dark. C'est vraiment, dark. C'est caucasien dark. Non, ouais, mais les gosses sont dark. Les gars sont dark, exactement. Il nous en reste quelques-uns, j'aimerais ça terminer. Je pense qu'il en reste, il en reste assez pour qu'on termine là-dessus. C'est des ciseaux ici avec 5 lames. Donc c'est vraiment comme une paire de ciseaux avec 5 lames. Il n'y a pas 5 poignées, il y a juste une poignée après cette paire de ciseaux-là pour droitier et gaucher. Les deux côtés sont pareils. Et c'est fait pour déchiqueter le papier sans électricité. Et puis tu peux mettre ça dans un tiroir beaucoup plus qu'une déchiqueteuse. Donc, quand si jamais t'es pressé, il faut absolument que tu détruises un document et que t'as pas de déchiqueuse parce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est ça. Ciseaux. Et t'as payé 17$. Et FTQ, etc. Là, si ça peut vous intéresser. Là, s'il y a des perquisitions puis il faut que vous coupiez des affaires en rapidité, là, go. FTQ, c'est comme le raccourci de fuck TQ. FTQ. Fuck TQ. On n'a pas dit ça. J'ai pas dit ça. Personne qui a dit ça. Personne qui a dit ça. Ensuite, vous voulez faire flotter des fleurs sur l'eau. OK? Mais vous trouvez que, Caroline, il faut que tu lances une roche dedans pour que ça fasse un petit wave, une petite vague dedans. Tu sais, c'est bien plus beau quand ça fait une petite wave dans l'eau, tu sais. Mais tu veux que ce soit en permanence. Donc, t'achètes ça, OK? C'est le Floating Ripple Vase. Ça accepte une fleur à la fois. Et tu mets ça dans un contenant, dans un grand bol d'eau. Et c'est fait en vitre ou en plastique, je sais pas trop. Et ça ressemble à une vague. Donc, t'as l'impression qu'il y a une vague dans ton eau autour de ta fleur tout le temps. Comment? Mon Dieu, c'est beau. On se créerait dans Zelda. Je sais pas quoi, là. Ça m'a fait penser à Zelda quand tu pêches chez Poisson. Là. OK. Ocarine. Je me rappelle. 22$ pour un Floating Ripple Vase. Mais je comprends pas plus comment la fleur tient debout dans le petit vase. Ouais. Hein? Mais il y a un poids dans le fond, probablement. C'est fait de résine en passant, juste pour ceux qui cherchent. Je pense que peut-être que la tige dépasse dans l'eau. Puis qu'il y a peut-être des fentes sur le côté de la résine pour attacher la. Ben, je sais pas, parce que si, mettons, tu as différentes grandeurs de tige pour la fleur. Ben, t'as la coupe. Ça va bien non, mais épaisseur, circonférence. Ouais, mais. Je sais pas. Mais ça fonctionne parce qu'il y a des photos. Hein? Voilà. 22$. Il n'y a pas de Photoshop là-dedans. Hein? C'est un gadget. Il y a juste 5 personnes qui ont sharé ça sur Facebook. C'est vrai? Ben moi, c'est marqué 4. Fait que je sais pas si t'as cliqué like depuis tantôt. Okay. Non. Ah, on a vraiment. Moi, j'ai cliqué like avec le Facebook à Jean-Philippe. C'est ça. Mais on a parlé. Donc, tu sais, assemblage requis. Plus One. C'est un design de Taku Omura. Floating Ripple Vase. Un sac de couchage pour la famille, ça c'est très très simple. Donc le manufacturier, la compagnie derrière ça dit si vous avez des jeunes enfants, couchez avec eux autres dans un sleeping bag en camping. On peut quitter deux adultes et un enfant, sinon deux petits enfants et un adulte. Hey, déjà que je suis claustrophobe des pieds, je pourrais pas survivre à deux ou trois dans un sleeping bag. Tellement pas. Moi je le fais pareil, mais j'ai un petit sleeping. Bon, ben voilà, c'est tout pour ça. J'espère que ça devrait répondre. C'était super. C'était cool. Hein? On est du fun. On fait ça à chaque semaine, les mercredis, surtout dans sa magique. On prend une pause qu'on a manquée il y a une vingtaine et puis on revient après ça avec son foutu palmarès. Restez là. Yeah. On attend. On va en camping. Gang. Moi, je le garderai pour moi tout seul, le méga gros sleeping bag. Hey, j'avoue. Hein? Ben non, ça garde pas au chaud. Ouais, tu t'enroules dedans. Ah, mais faut que tu t'enroules gros, là. Ouais, tu tournes, à un moment donné, ouf! Tu tournes, à un moment donné, t'es plus dans la tente. T'inventes le sleeping bag sutra, puis... Non, je l'ai déjà inventé. Wow. aujourd'hui. CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 22 janvier 2014. Il est Stéphanie Paradis. Je suis, c'est Mathieu Plante. On doit malheureusement dire au revoir à Justine Renaud qui nous quitte jusque dans deux semaines. Ciao, Bella, ciao. Bella, ciao, Bella, ciao. Pas d'annonce de Pacini. Ouais. Potentiellement. En fait, c'est une chanson, cette chanson. Je pensais dire potentiellement. Potentiellement. Oui, potentiellement. La première fois que j'ai chanté cette chanson-là, et la seule fois, en fait, c'était en face de ma directrice de recherche italienne qui me dit « Ne chante plus jamais cette chanson-là. C'est une chanson qu'on chante en temps de guerre. » Fait que c'est une chanson où que, genre, le monsieur dit « bella ciao » à sa femme, tu sais, puis qui dit « Au revoir. » Ouais. Je reviendrai peut-être plus jamais. » Genre, embrasse... Puis on fait une annonce pour un bar à pain avec ça. Oh. Excusez-moi. On fait griller votre pain. On tue la compétition. Bella, ciao. Ça passe super. Ouais. Ouais, c'est quand tu pars avec la facture, t'es pas content. Là. Pacini, c'est quand même cher. Pardon, je veux pas vous faire la mauvaise publicité. Là, mais pourtant, faut que t'en manges en maudit du pain. Ça dit dans le nom, c'est Pacini. C'est Pacini. Pacini. Non, c'est pas cheap. Je sais pas. Les couteaux de l'armée! Puis là, c'est un couteau à beurre à la place. Ouais, on vient tantôt avec son foutu palmarès et... Son foutu palmarès? Palmarès, pas parmesan. Mais pour l'instant, voici FM... de Outek. We'll be right back. Le classique FM de Outek à Assemblage Requis. Présentement, ils sont connus dans le palmarès pour la pièce, je crois ligne que ouverte. C'est ligne ouverte, je crois, parce qu'on me le dit. Donc, je te crois. Je te souffle à l'oreille, Mathieu, c'est ligne ouverte. OK. Hey, qu'est-ce que t'as vu là, sur Internet? Tu parlais de quoi? D'une poudre de Kamasutra, c'est quoi ça? Ben oui. Ça, c'est une Honey Dust. Mais c'est parce que là, Justine, avant de partir, parlait de... Moi, raconte-nous. Là. Parler de... Comment je dirais bien ça? De poche, finalement. Ben, c'est ça que des fois, l'été, ça peut être difficile pour un garçon quand il se fait humide. Oui, à part la connaissance de cause. C'est ça. Quand t'as la poche humide, ça colle après la cuisse. C'est pas le fun. Faut pas que les pornstars jouent de films porno en Louisiane. En Louisiane, parce que sinon, ça va être le bayou, la swamp là-dedans. OK. Fait que moi, j'ai dit, ben... Mais de la petite poudre Kamasutra, il y a de la fécule de maïs là-dedans. Oui, donc ça devient du porn starch! Wow! Porn starch! C'est comme du corn starch! Corn starch, porn starch. Ou quand ce soit une porn stash aussi. La moustache de Ron, Jeremy. Ah, ben tout ça pour ça. J'ai mis ça dans mon... Trop loin. Non, décroche. Là. D'accord. Arrête quand t'es au sommet, Mathieu. Merci, c'est ça. C'est comme Seinfeld. Faut que tu saches arrêter quand t'es vraiment on top, you know? Ou on the bottom, dépendant de quel bord tu fais ça. On va en faire une liste d'affaires, toi et moi. Voici, ils sont foutus pas mal. Nice. C'est son foutu palmarès, Steph, la chronique où on fait une liste de quelque chose, c'est pas compliqué tout ça, là. Moi, je fais souvent ça, à la fin de semaine, je fais ma liste d'épicerie. Beurre, porn starch. Non, c'est rare que ces deux items se retrouvent sur ma liste. Donc, tu sais, quand ton magazine, parce que là, c'est une liste qui va parler de liste d'achat dans un magasin comme IKEA. Okay? C'est une liste de listes? C'est une liste de listes, c'est comme une inception de liste, une listception. Wow! Ça va vous faire péter le cerveau. Donc, vous savez, le magasin IKEA, le catalogue sort une fois de temps en temps et là, on est tous bien excités par les produits, les nombreux produits de qualité qui sont offerts là-bas. Avec des noms suédois comme Ektorp, Tromsø, Björkruden, Jonsborg Ruby. Avec des points partout, là. C'est ça, des barres, ces lettres, ça a quand même pas de rapport. Donc, saviez-vous que les noms des produits chez IKEA sont dans des catégories? Donc, il y a des catégories de produits. Par exemple, c'est des occupations, les mots en suédois, c'est des occupations pour, par exemple, des bibliothèques. OK? Ça, pour les bibliothèques, c'est ça. Ça va être des îles suédoises pour ce qui est des meubles de jardin, etc. Donc, les catégories de mots sont attachées à des catégories de produits. D'accord, mais au-delà de ça, il y a plusieurs mots qui sont juste des descriptions du produit. Par exemple, fracta veut dire emporter et c'est un sac. OK. C'est clair. Housette veut dire maison et c'est des meubles de maison de poupée. Disca, c'est pour laver ça veut dire laver des vêtements et c'est une brosse à vaisselle. Jusque-là, ça a du sens? Ben, j'imagine, là, je parle pas suédois. Non, c'est ça, mais si tu le parlais, tu comprendrais. Donc, ça, c'est pour les noms qui ont du sens, mais il y a aussi les noms qui n'ont pas de sens. Donc, il y a 14 noms de produits ici qui sont presque en contradiction avec les produits auxquels ils sont attachés. OK. Okay? Donc, premier, c'est Arftlig, qui veut dire héréditaire, OK, ou quelque chose que tu pourrais hériter pour des serviettes de table. OK, jetables. Jetables, des petites napkins, des napkins, comme on dit, napkins. Donc, je sais pas, mais je sais pas si tu lègues ça à tes petits-enfants, ils vont être déçus en mode. Strapats. Strapats. C'est pas le nom du jackstrap des Patriotes, le Strapats. Strapats. Je pensais que c'était une pizzeria. Oui, ou une maladie des yeux. J'ai un strapats, Alain. ouais, une pizza serait parfait. Mais non, ça veut dire difficulté. OK. OK, mais c'est une poubelle. Qui est l'objet le plus simple à se servir dans la vie quotidienne, c'est exactement, ça? Exactement. Si tu pèses la pédale, tu sacs ton affaire dedans et tu t'en vas. Ça. Ah, mais c'est déjà pas pire, ta version que t'avais en tête, t'avais une pédale. Moi, il n'y avait pas de pédale. C'est juste que tu mets l'objet à jeter à l'intérieur. Puis des fois, c'est ajouter un sac, ça peut être difficile. Puis moi, des fois, tu sais, la pédale de ma poubelle, à partir de la deuxième semaine de l'achat, n'ouvrait plus avec la pédale, à moins que tu forces bien raide. Ah, OK, fait c'est super pratique. Très pratique pour une poubelle. Et donc, je trouverais ça une difficulté. Donc, le nom Strapats sera le nom de ma poubelle. Salut, Strapats. Salut à Arnaud, c'est pas pire quand même. Écoré, E-K-O-R-R-E. Écoré, Écœuré, écœuré. Tu donnes un accent plus espagnol. J'avoue. Que... Mais moi, les accents. Je suis en train de mettre des chapeaux sur les lettres. Donc ça veut dire écureuil, et c'est pour un petit cheval en bois pour enfants. OK, ça c'est... Ben au moins, ça reste un animal. Oui, exact. Ça aurait pu être citron. Citron. Envis. Envis. Ah, c'est clair qu'il y a des vis, là. Faut... C'est un meuble à monter. C'est des vis africaines, des Envis. Ou Invisible. Ah! Je sais pas. Non. Mais ça veut dire, genre, tête de cochon, un peu. Envis. Alors que c'est pour une spatule. OK. Spatule de plastique, là. Ouais. OK. Le prochain, c'est Flort. Flort. C'est un bikini pour les flirter. OK. Pour un flirt avec toi, ouais, je ferai n'importe quoi. Non, ça veut dire flirter. C'est vraiment littéralement flirter. Ah ouais? Oui, un flirt. C'est vraiment ça. Mais c'est pour, tu sais, le petit cossin qu'on met sur le bord d'un divan pour mettre ta télécommande puis un magazine. OK. Tu sais, là? Ce qui brise les couples. Ce qui brise les coupes parce que c'est le... La télé, puis... Ouais. Oui, les magazines, en effet. Ça dépend quel genre de magazine. Ouais, flirt. On va te flirter ça. Finis. Finis. Finis. Je sais pas. Ça veut dire giggles, donc un peu comme tu viens de faire là. Un petit genre de ricanement. Et c'est pour une poubelle en plastique noire. Raciste. Raciste. Pourquoi juste noir? Ouais, c'est ça. Ben, j'imagine qu'il y en a d'autres. Là. Sûrement que le modèle qu'on nous montre là, c'est un noir. Ensuite, c'est un noir. Fournouft. Fournouft. Fournouft. Je sais pas, ça sonne poilu. Ouais. Des poils dans le fourneau. Fournouft. Fournouft. Fournouft. Fournouft. Ça veut dire raison ou sens. Du bon sens, avoir le gros bon sens. C'est pour des ustensiles. OK. Du gros bon sens. Là, tu manges ta fourchette avec pour des plats qu'il faut que tu piques, puis la cuillère pour du liquide. C'est vrai que des fois, l'inverse. L'inverse. Inverse, c'est le prochain. Je commence à pogner l'accent. Là. On est toujours dans le palmarès des mots suédois chez IKEA pour des produits qui, dans le fond, décrivent très mal et sont souvent le contraire du produit. Impulse. OK, ça, c'est un blender. Ben non, mais c'est proche. Impulse, ça veut dire impulsion et c'est pour une carafe à eau ou à jus. Tu trouves que j'étais proche? Ben un blender, c'est la même forme avec une poignée puis un bec. C'est pareil, c'est juste qu'il y a un petit moteur dedans. C'est pareil. Tu l'as, je te donne le point. OK, OK. Ah ouais? Un demi-point. C'est un jeu? Moi, je sais pas, là. C'est rendu un jeu. Le 9, c'est colonne. Colonne. Ou colon. Mais K-O-L-O-N. Je sais pas. Je sais pas. C'est colon, comme un colon, comme le colon irritable. C'est ça que ça veut dire. C'est toilette? Non, c'est pour un tapis qu'on met en dessous d'une chaise de bureau. Tu sais, les petits tapis de plastique. OK, ça, c'est pas pour les chiens qui veulent faire leurs besoins à l'intérieur, qui veulent pas aller dehors. Ça pourrait être ça. Pour si le colon. Se vider le colon, exactement. Tu as tout à fait raison. Ensuite, Sansuel. Sansuel. Encore très espagnol comme accent. Je vais le faire en allemand. Sansuel. Non, ça marche pas. T'as juste une grosse voix. Grosse voix de fumant. C'est un espagnol qui fume. Salut, c'est Linda. Ça veut dire sensuel, en effet. Je pense qu'ils ne sont pas allés chercher trop loin. Mais c'est pour un chaudron. Ah oui, il n'y a rien de plus sensuel qu'un chaudron. Ah, tellement, enlève ton couvert, ma chouette. Non, non, mais tu sais, une femme qui fait des patates pilées, il n'y a rien de plus excitant. C'est vrai. Hein? Tida, T-Y-D-A. Tida, on dirait un toutou. Je suis sûre que c'est le brocoli en toutou que je veux m'acheter depuis des années au IKEA. Non? Ah, peut-être. Tida, c'est un interprète ou qui déciphérer les propos, là, genre traduire ou comprendre le sens des mots. C'est ça, Tida, en suédois. C'est pour une poignée. Une poignée. Juste une poignée, genre une poignée de porte? De tiroir, si on veut. Ah! C'est genre en métal, un genre de rectangle. OK, c'est comme tire là. Tire de par là-bas, là. Tire dans ton sens. Comme tire sur la poignée, ouais. Le 12e mot suédois qui est chez IKEA pour un produit mais qu'on comprend pas vraiment pourquoi, c'est open bar. Ça, je le comprends. Bar open. Bar open, OK. Ouais. Non, ça veut dire évident, en fait. Évident. C'est évident. Et c'est pour comment on appelle ça? Une tasse à mesurer. Tasse à mesurer. J'suis de 20 onces ou 5,914706 décilitres. Non, non. Open bar, tu ne calcules pas les quantités d'alcool. T'as pas besoin de tasse à mesurer. C'est vraiment ironique. À l'inverse. Ouais. Le 13e, c'est Vilsé. V-I-L-S-E. Vilsé. Ah, ça aussi, c'est encore un meuble à monter. Il faut que tu le vilses. Ah oui, un tour de vilse. Un tour de vilse. Non, ça veut dire perdu. Et c'est pour un verre de vitre. Ah. Mais tu sais, j'aurais plus dit le mot cassé plus que... Parce que mes verres d'IKEA, ils n'ont pas toffé longtemps. Hein? Ah non, les 4 sont encore bons. J'en ai acheté 4. Ils étaient dans la section tel quel. Ils étaient super beaux. Ils étaient comme en vente. Là, je me suis dit, coudonc, y a-tu des trous dedans? Okay. Mais non, ils sont super beaux. Dans la section avec le mot suédois tel quel, qui veut dire tel quel. Aziz. Tel quel. Dans le Aziz. Aziz. Sirlig. Quoi? C'est le dernier. Sirlig. S-Y-R-L-I-G. Sirlig. Ça, ça doit être ligue, tu sais, mettons, au hockey, la ligue de cirer tes skis, c'est une ligue de ski. C'est bon, ça. Non, ça veut dire acide ou amer, si on veut. Et c'est pour un ensemble d'un rond avec une pince pour attacher des affaires, mettons un rideau de douche. Mettons, tu passes l'anneau. Mais en tout cas, je pense, ça ressemble à un rideau de douche, mais tu mets l'anneau sur ton truc, puis il y a une petite pince après ça pour attacher les rideaux. Ouais. Ben, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire surette, acide, amer, si on veut. Tart et acidique, en anglais. C'est comme prendre une douche de pluie acide. Voilà. Voilà. Ça te rend propre, mais ça te tue. Mais t'es mort propre. Plus de peau. C'est ça. C'est le top 14 des mots suédois dans un catalogue IKEA qui veut dire quelque chose que ça devrait pas dire. Pourquoi 14? Ça m'agresse, 14. Ouais, moi aussi, mais bon. C'est mentalfloss.com, merci. OK. C'est notre source. Voilà pour cette partie de son foutu palmarès. Je suis encore en train de me demander si tantôt on fait une deuxième partie de ça ou si on garde Arrête avec tes questions pour demain. Oh. Je pense qu'on pourrait faire ça. Moi, en tout cas, tu viens de changer totalement ma vision du IKEA. C'est clair que je vais me poser beaucoup plus de questions quand je vais lire les noms des items. J'ai le goût d'y aller tout d'un coup. Moi, ouais, il devrait marquer la définition du mot à côté parce que comme ça, il pourrait se forcer à en trouver un rapport. Non, t'imagines-tu déjà comment c'est mêlé à aller chez IKEA? Faudrait qu'il explique c'est quoi l'objet, c'est quoi que le mot veut dire, puis expliquer au monde de classe moyenne qui a aucun lien. Ceux qui sont pas capables de suivre les flèches sur le plancher, tu vois. Oui, c'est ça. Qui sont à contre-courant. Hein? Mon Dieu, eux autres. Mon Dieu. Contre-courant. Ah! Ouais. Plus tard, cette chanson-là me tente tantôt. À contre-courant. Le corps est lourd. Tu veux-tu que je te la chante? Ouais, tu peux, si tu veux. Non, es-tu malade? Ouais, mais je l'ai pas ici. À la place, on va entendre une nouvelle entrée du palmarès. C'est Massicotte. Sur l'album J'ai jamais su danser. On s'en va entendre. Chérie, je jappe. Douche. Ça te fait plaisir? Mais, hein? Douche. Vous êtes à Assemblage Rookie. Sur C'est fou. Oh, bébé. Jappe fort pour toi. Conditionné à tes mains pour me flatter. J'ai Et que je n'étais pas attentif encore. Donc, on vient d'entendre la pièce Chérie, je jappe de Massicotte à Assemblage Requis. Et tantôt, on était en plein son foutu palmarès. Donc, continuons dans le même thème. C'est son foutu palmarès. Deuxième partie, on va faire cette fois-ci le top des choses surprenantes qui peuvent influencer vos rêves. Oh! Intéressant, hein? Commençons avec le premier, tiens, qui peut influencer vos rêves, c'est dormir sur le ventre. Ça peut vous donner, évidemment, on le sait tous, des rêves érotiques. Hein? Ah, ben oui, parce que tu te frottes. Tu te frottis frottant. Donc, les gens qui dorment sur le ventre ont beaucoup plus de chances d'avoir des rêves érotiques comparé à ceux qui dorment sur le côté ou sur le dos, ou dans d'autres positions, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Selon... Sa tête. Ouais. Debout, comme un cheval. Il y en a qui dorment assis, je suis pas capable. Ben, ça dépend. Des fois, dans un lazy-boy, il est tendu un peu, là. Au carrefour, les petits sièges qui vibrent. Arc! Non? Dormir comme en public, là? Ouais. J'aime pas ça. Je trouve ça vraiment confortable. Ça vaut le dollar pas mal, tout ça. Bref, c'est ça, ceux qui dorment sur le ventre ont tendance à manquer d'air la nuit. À cause de ça, ils vont souvent rêver de sexe incroyablement sauvage. Les gens qui dorment dans une position comme celle-là ont souvent des rêves plus osés, comme ceux où on se fait attacher. C'est plus kinky, là. T'sais, on se fait attacher, on se fait embarrer en quelque part. On dit aussi que les gens qui ont ces rêves-là disent qu'ils ont aussi des rêves sur des personnalités connues. Donc, quand ils dorment sur le ventre, qui ont des rêves sexy, osés, kinky, ils rêvent de vedettes. Je sais comment je vais me coucher à soir. Et voilà. Mais c'est tellement pas bon pour le dos, selon les chiro. Mais ben, tellement pas bon. Non, c'est pas bon. Du tout, parce que ta colonne n'est pas alignée comme faut. Ouais, ça va à peine une fois de temps en temps pour... En effet, la fin de semaine, là, quand même. Mais si tu dors sur le ventre, je vous conseille vraiment de prendre un oreiller extrêmement plat. Ou même, vous pourriez ne pas avoir d'oreiller du tout et ça serait quand même. Moi, même des fois, quand je suis sur le ventre, juste me coucher sur mon bras, c'est assez moelleux. J'ai le bicep assez moelleux pour accueillir ma tête. Moi, la fin de semaine, on sait un petit peu plus tard que la semaine, étrangement, tu sais, pour l'animateur du matin. Souvent, ma copine va aller faire ses affaires, là, ouvrir les circulaires, puis tout, je m'en occupe pas. Moi, je dors, et là, je me mets sur le ventre avec mon oreiller qui est quand même assez épais parce que je dors sur le côté d'habitude. Et là, je m'écartille les jambes et j'ai un mal de dos jusqu'au mercredi suivant, à peu près. Drôle d'image. Drôle d'image, hein? Tout est vaché. C'est fou que t'aies précisé que tu t'écartillais les jambes. Ouais, mais ça donne un mal de dos. Fait que faites pas ça, ça. La fin de semaine. C'est comme en étoile sous le ventre. C'est ça. Faites juste enlever l'oreiller puis ça le cache. OK. Ensuite, les cauchemars peuvent être partagés et les gènes influencent nos cauchemars. Les jumeaux identiques ont souvent, et là je dis souvent et non pas tout le temps, certaines fois les mêmes intérêts, les mêmes habitudes. Les scientifiques ont découvert qu'ils ont qu'une base génétique beaucoup plus forte qu'on le pensait, tellement forte qu'ils peuvent même vivre les mêmes cauchemars à presque la même fréquence. Même étude qui nous apprend aussi, une étude qui avait 2600 jumeaux identiques et 4200 jumeaux non identiques. Les scientifiques ont découvert que les jumeaux identiques avaient deux fois plus de chances d'avoir des cauchemars fréquents que les jumeaux fraternels. Ouais, le trait, c'est un trait de personnalité d'avoir des cauchemars fréquents. Bizarre. Ensuite, le champ magnétique de la Terre peut vous donner des rêves bizarres. Ben, c'est un peu incontrôlable, ça. C'est ça. La marée haute, la marée basse, etc. Champ magnétique, c'est ça que ça fait, non? Pardon. Donc, c'est possible que les champs magnétiques de la Terre aient un effet profond sur les rêves des gens. Le psychologue Darren Lipnicki enregistre les rêves depuis plus de 8 ans et a conclu que la faible activité géomagnétique causait des rêves bizarres. Alors que quand l'activité géomagnétique était élevée, les rêves étaient plus normaux. Voilà. Quand ouais, même, mais on s'entend des fois normal, pas normal quand c'est un rêve. C'est subjectif un peu. Là. Exactement. Les télévisions noir et blanc de dans le temps donnent des rêves noir et blanc aux gens qui ont vécu ça à leur jeunesse, lors de leur jeunesse. Hein? Une étude publiée en 2008 par un étudiant en psychologie, une étudiante Eva Murzin à l'université de Dundee. Nous a montré que les types de télévision qu'on regardait quand on était jeune ont un effet profond sur la couleur des rêves. Murzin a appris que, elle a demandé, elle a fait une étude, évidemment, les gens de 55 ans et plus avaient des rêves en noir et blanc 20% du temps, ce qui l'a mené à croire que les enfants qui étaient exposés à la télé noir et blanc et des films en noir et blanc entre l'âge de 3 ans et de 10 ans, selon son étude, avaient plus de chances de rêver en nuances de gris. D'autres études nous apprennent que depuis les années 1960, 83% de la population rêve en couleur, ce qui coïncide avec l'arrivée et la popularisation de la télécouleur. Ah, oh, mais c'est intriguant. Je pense que je vais interroger mes grands-parents à ce sujet-là. Ça m'intrigue. Ça me fait aussi penser, depuis quelques temps, j'écoute de plus en plus la télé en anglais. J'ai fait mon premier rêve en anglais, je pense, comme l'année dernière. Wow! Donc, c'était vraiment bizarre. J'ai déjà rêvé que je parlais en anglais dans mes rêves, mais je disais n'importe quoi, là. Ah, bon, le toaster, le bon, le pain. Je m'en souviens. Un rêve où je parlais en anglais, mais là, je fais des guillemets, là. Je parlais avec Kevin Costner, OK? C'était n'importe quoi, mais j'ai vraiment rêvé en anglais, donc ça se passait en anglais. Je me suis réveillée, puis je me souviens que c'était vraiment de l'anglais. Donc, je pense qu'aussi la télé, comme ça, écoutant en anglais, ça s'influence beaucoup... des rêves. C'est un cauchemar parce que tu rêvais à son film Waterworld, le pire navet tous les temps. Non, c'est pas ça. Non, non, ça, c'était le vieux en pas vrai anglais, là. Ça, je l'avais juste vu dans le stationnement du centre d'achat, puis je voulais dire... Kevin Costner? Ah oui? Ouais. Ah, il y a une chanson. Dans mon rêve. Ah, OK. Ben oui, je l'ai vu aux rivières, man. Kevin Costner. Ben oui, Costner. Les fromages affectent les rêves aussi. Les fromages? Les fromages. Fait que si tu manges du fromage bleu, tu rêves au schtroumpf? Peut-être. tous les fromages contiennent ce qu'on appelle de l'aminoacide. C'est un tryptophane. Le tryptophane qu'on retrouve aussi dans la dinde, si je me rappelle bien. Tryptophane, c'est le nom qu'on cherche. Non, c'est vrai. Excuse-moi. C'est quoi? Je trouve pas le lien entre la dinde et le fromage. Il y en a pas vraiment, mais ça contient la même chose. Donc, un aminoacide qui s'appelle le tryptophane. Et puis, ça aide à normaliser le sommeil et réduire les niveaux de stress. Une étude en 2005 de la British Cheese Board. La planche à découper de fromage britannique nous apprend que les sujets qui mangeaient souvent du cheddar, fromage cheddar, rêvaient plus de vedettes. Les gens qui mangeaient du fromage bleu, le Blue Stilton, avaient des rêves bizarres. Ceux qui mangeaient du Cheshire, passaient une très, très excellente nuit de sommeil, mais ils n'avaient pas de rêve. En tout cas, ils ne se rappelaient pas de leur rêve, parce qu'on rêve tout le temps, mais on ne s'en rappelle pas nécessairement. Les gens qui mangeaient du Red Lancashire avaient des rêves nostalgiques de famille et d'enfance. Et ceux qui mangeaient du Blue Lancashire rêvaient surtout de leur travail. Intéressant! Je sais pas si l'échantillon est assez gros pour vraiment... Moi, c'est ça. Je sais pas si c'est vraiment représentatif. Là, j'ai comme des doutes. Ça a l'air vraiment comme faux, ça. Mais bon. En tout cas. C'est une étude britannique, là. Ou sauf que c'est britannique, c'est bon, ça. Ah ouais? Monty Python. Tu peux penser à l'annonce de Chamois. Que c'est allemand. Et tout le monde sait que les Allemands font des bons produits. Par rapport. C'est vrai. Hey, regarde ça, caméraman. Regarde ça, caméraman. Il fait tout le temps ça. Ouais, filme ça, caméraman. Là, dans la nouvelle, as-tu vu la nouvelle sur la Invincible? C'est un nouveau spray pour nettoyer. C'est comme des petites pastilles. Tu mets ça dans une bouteille et la bouteille, tu peux la virer à l'envers puis spray. C'est la seule bouteille qui fait ça. Puis là, il fait les mêmes gags. Il fait genre, hey, caméraman, filme ça. Puis après ça, il enlève son micro puis il dit, on va le faire live, ce bout-là, genre. Fait que là, il met de la sauce soya sur sa chemise. On va faire ça live, man. C'est une pub et pas live, là. Elle a jamais été live d'une pub, là. Prends-moi pas pour un cave, là. Oh. On va faire ça live, man. Ben, franchement, Mathieu, il le refait à chaque fois en direct. Live à chaque fois. Et dans les prochaines minutes, vous appelez, tu sais. Et toujours dans le palmarès, oui. Croyez-le ou non, des choses surprenantes par rapport à ce qui influence votre sommeil. Ce que tu entends et ce que tu sens par le nez, odorant, oui, vont influencer tes rêves aussi. Donc, notre tête interprète les bruits qui arrivent autour de nous pendant qu'on dort et les insère dans nos rêves. Ce qui veut dire que des fois, dans nos rêves, on va entendre un son qui provient de la réalité, qui est incorporé, voilà, par notre inconscient, subconscient et autres. C'est inconscient, je pense qu'on dit en français. Donc, peut-être que tu vas rêver, je sais pas, d'un concert et que ton frère joue de la guitare, je sais pas trop quoi, mais dans le fond, ça va être la réalité, ça va être les poubelles qui font du bruit dehors. Genre, ben moi, ça m'est arrivé. J'étais jeune au camp de vacances. Puis il y a eu une alarme d'incendie. C'était c'était parti par inadvertance. C'était même pas un test, là. Puis dans mon rêve, je me disais, voyons, je suis pas capable d'éteindre ma montre. J'essayais d'éteindre ma montre dans mon rêve. Puis je pensais que c'était ma montre qui sonnait. Oui. Puis là, je me suis réveillée. Je me suis rendu compte que tout le monde paniquait. Donc, j'ai mal interprété le son dans mon rêve. J'avoue, moi, je panique parce que j'ai plus de montre depuis un mois. Puis j'avais une montre avant, je me suis acheté une montre. Puis là, je me suis acheté un nouveau modèle. Puis il faut que j'attende qu'il arrive. Puis là, j'ai un mois pas de montre. Mais je me suis réhabitué à avoir une montre. Moi, j'avais pas ça depuis l'âge de genre 12 ans, de montre. Ben non, il y a personne qui a de montre. Ben non, c'est ça. Sauf pour décoration. Exact. Mais là, ça revient avec les montres intelligentes, man. Man. Donc, bref, c'est ça. Il pourrait y avoir des bruits dans votre sommeil qui vont être incorporés. Et dans une étude, les chercheurs nous apprennent qu'il y a une différence entre les rêves des gens qui n'entendaient... Attends un peu. Entre les gens qui écoutent de la musique et les gens qui n'écoutent pas de la musique, c'est ça. Je pense que ça a rapport avec la surdité. Si les gens n'entendent pas dans la vie, ils n'entendront pas dans leurs rêves non plus. Si j'essaie de comprendre ce paragraphe-là, c'est ce que j'en comprends. Même les odeurs vont influencer les rêves. Donc, le cerveau va interpréter les odeurs autour, les incorporer dans vos rêves. Voilà pour la connexion foutue palmarès. Si tu dis que les personnes sourdes n'entendent pas dans leurs rêves, Les aveugles, est-ce qu'ils rêvent à des bruits? Bonne question. Hey, c'est une maudite bonne question, j'imagine. Je veux le savoir. Parce que les autres sens sont surdéveloppés quand t'en as un qui manque, comme on dit toujours. Donc, j'imagine que oui. Ben, si j'imagine, ben, probablement quelqu'un qui a déjà vu, ouais. qui a développé l'aveuglitude. L'aveuglement-tissement. la cécité. J'imagine qu'il va peut-être avoir des souvenirs qui vont remonter. Je sais pas, peut-être qu'au fil du temps aussi, les images vont s'estomper. Mais j'imagine la mémoire aussi, ses limites. Donc... Hey, j'ai le goût de fouiller là-dessus. Ouais, c'est vraiment intriguant. Mais en tout cas, moi, je trouve cet article-là super intéressant. Encore une fois, c'est mentalfloss.com. Toujours des listes. C'est toujours les meilleures listes, en fait, sur mentalfloss.com. Retrouvez le lien sur assemblagerequis.com. Bien sûr, de nos deux chroniques sur Foutu Palmarès qu'on a fait dans cette émission d'Assemblage Requis. Plus tôt, on a parlé de... Je me rappelle pas, tu as chanté une parole, puis ça m'a rappelé une chanson de On a créé un monstre qu'on aime beaucoup en ce moment. C'est fou. Je m'en souviens même pas. C'est quoi j'ai dit? En tout cas, on va l'écouter, puis on va interrompre la chanson pour vous dire. Voici le corps est lourd sur C'est fou. Le corps est plutôt raide et la gravité affamée. Il n'y a aucun filet en dessous de tes pas. Tu as tout ton poids. Le vide a tout son temps et la lourdeur de ton tourment. On a créé un monstre. Tantôt, on faisait son foutu palmarès, Steph, et j'ai lu une phrase, puis là, je l'ai interprétée d'une façon, mais là, j'ai appelé les gens responsables de l'étude directement en Grande-Bretagne. Ben oui. Sur ma hotline téléphone rouge, à Gotham City. J'ai réinterprété la phrase qui dit, bon, que les chercheurs ont découvert qu'il y avait des différences entre les rêves des gens qui entendaient de la musique et les gens qui n'y entendaient pas de musique. Ce que j'en ai interprété, c'est qu'ils faisaient entendre la musique à un groupe de cobayes et à un autre groupe, ils leur faisaient pas entendre de musique. Et ceux qui ont entendu la musique pendant leur sommeil ont rapporté sur leur petit bulletin de rêve, de vote, qu'ils avaient entendu de la musique, c'est juste ce que ça veut dire. Mais ça nous a amené une bonne discussion quand même. Mais oui, c'est intéressant. On est content. Voilà pour son foutu palmarès. Et on termine l'émission ici. Là, 9h27, déjà terminé. On remercie Justine Renaud. C'est collé Justine aux platines. Toujours aussi intéressante. Et on cherche d'autres rimes pour sa prochaine chronique. Et hémoglobine. Avec Justine. Avec Lutine, en kikine. Ouais. Donc, Justine Renaud, on la remercie. Demain, à l'émission, on va avoir François Laudry, qui va être enfin de retour de son long congé des fêtes avec le segment politique Logocratie 101. David Ferron devrait nous faire une petite visite surprise, là. Vraiment surprenante. Ouais, on va être étonnés. Il faut vous avertir à l'avance, parce que si on le fait sans vous dire que c'est une surprise, là, vous allez tout avoir une attaque dans votre char. Ce sera pas le fun pour vous. On veut pas ça, on veut pas ça. On n'a pas l'argent pour battre la cause en cours des poursuites. Bref, la langue dont on aura édition spéciale demain, ça devrait avoir lieu. Et on va, comme toujours les jeudis, apprendre à mieux vivre notre vie dans la fabuleuse chronique les instructions d'avantage d'assemblage. Voyons, qu'est-ce que je veux dire? Les chroniqueuses d'avantage. Nouvelle chronique, les chroniqueuses d'avantage. Ça va être bon, ça. C'est chronique juste, il y a des femmes. C'est ça. Ils ont beaucoup d'avantages. Sociaux. On a sorti les nouvelles règles d'équité salariale dans le bureau, si vous voulez passer les voir. C'est pas des nouvelles règles d'équité salariale. Je suis dessus, moi. Non, c'est juste comme un rapport là, plate là, que JP veut qu'on regarde. Là. Ouais, puis on a pris en photo des gens en train de regarder ça, dont Danny Janvier. Oui, il y a deux personnes qui ont regardé ça. Danny Janvier, puis un monsieur qui se promène tout le temps dans le pavillon. Oui. On sait pas trop c'est qui. On sait pas c'est qui, mais il a vraiment l'air de nous connaître puis de vouloir être notre ami. Mais bon. En tout cas. On salue. Salut Serge. Non, je sais même pas son nom. Mais moi, équité salariale, là, moi, ce que je fais le matin, c'est d'équité des céréales. T'sais. Parce que comme ça, je vais vraiment voir la moitié Fruit Loops, la moitié céréales santé, c'est l'équité des céréales. Hey, laisse faire. Tu mets pas la moitié de céréales santé, ça fait. Non, trois quarts. Ben, c'est déjà quand même pas pire. C'est pas pire. Mais tu mets un extra guimauve. C'est ça. Mais c'est ma blonde qui met des céréales santé dans mon bol de céréales. Elle fait bien. C'est un indice. Ouais. Elle fait bien. Un petit message subtil. Mange ça. Elle fait bien. Puis elle fait le bain aussi. Elle lave bien le bain. Oh, c'était sexiste. Ouais, je sais. Ça finit sur une note pas équité salariale, ben. Hey, à demain, Steph. Bonne journée. Salut, Mathieu. Demain, entre 6h30 et 9h30, en direct à 7h30, siffre.ca, assemblagerequis.com, les infos sont données. Bye. Bye.